Alors, donc le titre que je vous avais donné, c'était « Devenir mort, subjectivation et différence existentielle pour une contre-anthropologie du travail du deuil », un titre évidemment imbitable, je suis incapable de donner des titres qui veulent dire quelque chose. C'est pareil de lancer ça en disant que ça fait joli, puis après je cours derrière pour essayer de lui donner un sens. Alors, je vais quand même essayer de lui donner un sens pour le coup, et en même temps, pour essayer de raccorder la chose avec à la fois l'intitulé du séminaire et l'argumentaire que vous avez donné la peine d'écrire, je vais en fait commencer par dramatiser en quelque sorte. Je suis Deleuzien de formation, je dramatise tout le temps, au sens de mettre en scène, mettre en espace et en temps, disons, des concepts. Donc je vais commencer par dramatiser quelques notions de votre argumentaire. Au moins deux, enfin essentiellement deux, la notion de subjectivation et la notion de processus d'identification, qui ne se superposent pas, je crois, et travaillant pour ma part autour des problèmes, disons, relevant de l'anthropologie psychanalytique, c'est des notions qui même ne se recouvrent pas du tout. Je ne perdrai pas de vue non plus la question du tournant ontologique de l'anthropologie qui vous avez occupé l'an passé, jusqu'au colloque que vous avez organisé. Et donc je vais essayer de dramatiser ces deux ou trois notions, si on y inclut la notion d'ontologie, en évoquant brièvement deux textes philosophiques qui sont à peu près contemporains, qui datent tous les deux du milieu des années 90, c'est l'un de Rancière et l'autre de Derrida. Très brièvement, simplement pour, encore une fois, mettre en jeu, d'une façon historiquement déterminée aussi, vous verrez, vos notions, enfin ces notions que vous, sur lesquelles vous attirez votre attention. Alors, dans un court texte intitulé « La cause de l'autre », Rancière a proposé, en 1995, d'identifier une nouvelle matrice de subjectivation politique en situant l'émergence traumatique dans un événement précis. La manifestation parisienne organisée par le Front de Libération Nationale algérien le 17 octobre 1961. Et, ce qui est inclus pour Rancière dans cet événement, la répression meurtrière de cette manifestation par la police, suivi d'un déni obstiné de la part des autorités et d'un blackout total sur le déroulement des événements et le nombre des victimes. Il faudra plusieurs semaines en fait, pour savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Dans cette conjoncture de fin d'empire que l'État français affrontait de la pire des façons, à savoir par un déni systématique, à commencer par un déni de cette guerre qui officiellement n'en était pas une, puisque c'était une opération de pacification de police à grande échelle, ce massacre, selon Rancière, réintroduisait au cœur de la métropole la différence coloniale entre citoyens français et sujets français que l'État avait pourtant abrogé en 1958 et que sa police ne pouvait donc réactiver sans catalyser une contradiction interne à l'institution de la citoyenneté comme telle ou sans catalyser une redivision, en quelque sorte, interne à la citoyenneté dont ce que Rancière appelle la cause de l'autre est devenu depuis lors le nom. Je vous cite un passage de ce texte. Ce qui a éclairé alors une scène politique, ici, c'est une invisibilité, une soustraction produite par l'opération de la police. Or, la police, avant d'être une force de répression musclée, est d'abord une forme d'intervention qui prescrit le visible et l'invisible, le dicible et l'indicible. La police, conçue donc comme loi de ce qui apparaît et de ce qui s'entend, de ce qui se compte et ne se compte pas. À partir de là, continue Rancière, était possible une subjectivation politique qui ne fut pas une aide extérieure à la guerre de l'autre ou une assimilation de sa cause guerrière à la nôtre. Cette subjectivation politique, elle était faite d'abord d'une désidentification par rapport à l'État français qui avait fait cela en notre nom et soustrait cela à notre vue. Nous ne pouvions nous identifier à ces Algériens brutalement apparus et disparus comme manifestants dans l'espace public français. Nous pouvions en revanche nous désidentifier par rapport à cet État qui les avait tués et soustrait à tout compte. À quoi tenait donc, selon Rancière, cette impossibilité de s'identifier aux Algériens? Figure négative donc de la question d'identification à autrui, qui constitue le deuxième axe que vous avez proposé dans votre argumentaire. Cette impossibilité de s'identifier aux Algériens ne tenait pas à un sentiment particulièrement vif d'altérité, selon Rancière, projetant un trop autre dans les lointains d'un orientalisme exotique, puisqu'il s'agissait au contraire de manifestants exerçant leur citoyenneté au cœur de la capitale, mais plutôt à l'absence radicale de scènes capables de rendre représentable leur disparition. ceux-là même qui avaient subi la répression d'État exercée au nom des citoyens français, avaient été précisément soustraits à toute visibilité publique, privés de corps, de visage, de voix, de nom. Ce que Rancière appelle la cause de l'autre, comme mode de subjectivation politique, c'est en ce sens l'inclusion d'un autre auquel on ne peut pas s'identifier, encore une fois non pas parce qu'il serait trop différent, mais au contraire, là où il est exclu de tout compte, dans le moment même où il est censé être reconnu, inclus dans le nous de la communauté civique. Cette impossibilité de s'identifier à l'autre entraînait donc, selon Rancière, l'impossibilité en fait de s'identifier à soi-même, c'est-à-dire de maintenir l'unité dont l'État était censé être garant, de deux définitions de la citoyenneté politique et la citoyenneté nationale. Ou autrement dit, d'un côté la reconnaissance réciproque de l'égale liberté et de l'autre l'appartenance à l'État. C'est dans cette double impossibilité que devenait, selon Rancière, subjectivable politiquement cet écart lui-même entre ces deux conceptions de la citoyenneté, ou autrement dit que se repolitisait la citoyenneté à partir de sa différence interne. Je mentionne ce petit texte de Rancière, le premier des deux que je voulais mentionner en introduction, simplement en fait pour en retenir une difficulté, celle qu'appellerait, je crois, une réflexion plus développée sur l'opération policière d'invisibilisation des Algériens assassinés, suivant cette technique de la disparition initiée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, avant d'être diffusée par les instructeurs français aux États-Unis dès le début des années 60, au moment où la guerre du Vietnam se profile à l'horizon, puis dans les différents centres de formation des dictatures brésiliennes, chiliennes et argentines. En imputant l'impossibilité de toute identification aux Algériens assassinés au cœur de la capitale, à l'absence radicale de scènes capables de rendre représentable leur disparition, on peut se demander si la description que Rancière donne de cette scène, loin de produire une différence à soi politiquement active, comme il le défend, ne tend pas à minimiser plutôt l'ambivalence du mécanisme de déréalisation auquel elle s'adosse. Autrement dit, l'ambivalence des effets après-coup que déclenchera une telle forclusion des disparus, privés de corps, de visage, de voix et de nom. Comment ce non-lieu pourrait-il provoquer cette contre-interpellation que décrit Rancière vis-à-vis de cet état assassin censé être nôtre, voire être nous, sans constituer en même temps, ce que Rancière tait, le lieu d'une identification hautement mélancolique, exposée au retour indéfiniment spectral de ces morts vifs, dont la mort aura été déniée, et qu'il faudra donc nier encore et encore, faute d'avoir été capable de reconnaître la perte, c'est-à-dire d'en faire le deuil. Cette question serait sans doute à mettre au dossier de la structure mélancolique du racisme postcolonial. Elle dépend, à mon sens, en moins en partie, de la façon dont on apprécie cette frontière indécise entre l'identification que Rancière qualifie d'impossible et ce que Freud avait décrit comme le mécanisme même de l'identification mélancolique, qui n'est précisément rien d'autre que l'identification du moi à un objet effacé en tant qu'objet, un objet non seulement perdu, mais soustrait au rapport spéculaire censé régler l'imaginaire des identifications à un objet, et qui ne peut conserver une exigence psychique qu'au prix, suivant la formule fameuse de Freud, d'être mis à la place du moi. La disparition d'un objet, si on réécrit la scène de Rancière, disons, ce langage psychanalytique, la disparition d'un objet, en ce sens radical, n'a jamais rendu l'identification impossible. Elle rend l'identification mélancolique. Ce qui est rendu impossible, c'est le deuil de l'objet, ce qui ne produit pas du tout une désidentification, mais au contraire, un renforcement de la structure narcissique autour du déni de sa blessure. J'en viens au deuxième texte que je prendrai la liberté de lire comme une sorte de réponse à la description rancérienne de la scène de 1961, même si l'auteur de ce second texte n'y fait pas du tout référence. Il s'agit donc d'un extrait du Spectre de Marx, où Derrida écrit à propos du deuil et de son travail ceci. Le travail du deuil consiste toujours à tenter d'ontologiser des restes, à les rendre présents, en premier lieu à identifier les dépouilles et à localiser les morts. Entre parenthèses, toute ontologisation, toute sémantisation, philosophique, herméneutique ou psychanalytique, se trouve prise dans ce travail du deuil, mais en tant que telle, elle ne le pense pas encore. Et c'est dans cet en deçà que nous posons ici la question du spectre, au spectre, qu'il s'agisse de Hamlet ou de Marx. Et quelques lignes plus loin, Derrida continue, il faut savoir, il faut le savoir. Or savoir, c'est savoir qui est où, savoir de qui c'est proprement le corps et où il tient en place, car il doit rester à sa place, en lieu sûr. Hamlet ne demande pas seulement à qui tel crâne appartenait, il exige de savoir à qui appartient cette tombe. Rien ne serait pire pour le travail du deuil que la confusion ou le doute. Il faut savoir qui est enterré où, et il faut savoir, s'assurer que dans ce qui reste de lui, il y reste, qu'il s'y tienne et n'en bouge plus. Je vous suggérais d'entendre ce passage de Spectre de Mars comme une réponse au passage, au texte La cause de l'eau de Rancière. À l'instant, je voulais dire d'abord que ce passage de Derrida, il faut l'entendre, ou on peut l'entendre, dans une teneur immédiatement politique. Le problème du deuil, tel que Derrida le formule, ou cette exigence intransigeante à laquelle le deuil nous soumettrait, est aussi bien celui qui hante toutes les luttes menées autour des disparus dans les périodes dites, et à dire très mal dites, de post-conflit. La diversité des situations, évidemment, met au défi d'isoler ici des invariants. Mais au moins, peut-on considérer qu'elle pose ces situations. En chaque cas, le problème de déterminer la façon dont la politique fait intrusion dans ce travail d'anthologisation, comme dit Derrida, ou de sémantisation de la trace ou du reste. Comment, en chaque cas, la politique en conditionne la possibilité, s'en soumet les modalités, bref, intervient directement ou indirectement dans ce savoir du monde, mettant en prise et en conflit immédiatement différents savoirs des morts, c'est-à-dire les savoirs du qui est mort et qui a fait mourir, du comment et surtout, si on suit Derrida, du où, savoir qui est enterré où. Le problème sous-jacent réside ici dans le fait que, dans ces situations que Balibar qualifierait d'extrême violence, les structures symboliques qui, normalement, avec tous les guillemets, bien sûr, qu'on veut autour de ce normalement, disons, les structures symboliques qui normalement tiennent lieu d'une ontologie sociale commune sont elles-mêmes fracturées dans ces moments donc où l'extrême violence s'avère par l'intrusion directe des conflits politiques dans la trame des rapports socio-symboliques censés régler les possibilités d'identification individuelle et collective, les coordonnées du sens, la possibilité même d'un monde. C'est comme un télescopage de deux courts-circuits qui se produit dans ces situations, court-circuit du symbolique et du politique, court-circuit de la vie et de la mort, autrement dit de ces deux couples disjonctifs dont on ne peut penser séparément les termes, mais dont on ne peut non plus comprendre la complémentarité qu'à travers leur séparation ou leur disjonction, justement, aussi fragile soit-elle. Dans ces situations d'extrême violence, ou plutôt dans l'interminable répercussion de leurs après-coups, cette double disjonction, donc, est court-circuitée. Ce qui est alors rendu tendanciellement impossible, c'est de considérer le symbolique comme une strate préalable et préexistante, en quelque sorte, sur fond de laquelle se détacheraient des rapports de force, de pouvoir, de domination, de conflit. Mais c'est aussi, en même temps, la capacité de traiter la vie et la mort dans leur disjonction, leur proximité et leur distance, leur lieu, complémentaire peut-être, mais bel et bien séparé. De là en retour, les enjeux politiques qui se posent en chaque point des luttes de réappropriation symbolique autour des disparus. Et il est vrai ici sans doute que tout est en définitive question de savoir, confirmant peut-être, du point de vue sociologico-politique, disons, l'idée freudienne que le deuil révèle peut-être plus que toute autre expérience la pathétique du savoir à laquelle nous sommes voués, le pathos dont un sujet peut être affecté de ne pas savoir. De ne pas savoir si on l'a perdu, comment on l'a perdu, ce qu'on a perdu exactement dans la perte, ce qu'on a perdu de soi-même dans la perte, etc. etc. Je songe évidemment ici à tous les travaux d'anthropologues contemporains autour de la lutte des disparus. Je mentionne rapidement les travaux de ma collègue Valérie Robin-Azevedo, qui a travaillé en particulier sur les séquelles, disons, de la guerre civile au Pérou, qui, dans un très beau livre, s'intitule « Miroir de l'autre vie », ainsi que dans d'autres articles qui ont précédé et suivi, a essayé de détailler les multiples dimensions, disons, des luttes qui se jouent autour du savoir des morts. Ce sont les luttes évidemment autour de la place de l'État dans l'appropriation ou au contraire la disqualification des morts en question pendant les périodes du conflit. Ce sont les luttes pour savoir ou pour contrôler ou contester le savoir des lieux et des temps de la mort dans un espace-temps qui est lui-même feuilleté et où s'enchevêtre la localisation des corps, celle des événements, celle des responsables au moment des faits, etc. Ce sont les luttes pour qualifier ou pour déqualifier les morts, parlera-t-on de résistants ou de terroristes, d'assassins ou de combattants, de victimes ou de bourreaux. Ce sont des luttes encore autour des procédures les plus matérielles, mais qui ne sont jamais neutres ni politiquement ni symboliquement, les procédures d'exhumation, d'authentification, de remise des corps, et ici encore se pose la question à qui s'agit-il, ou qui plutôt remet les corps, s'agit-il de légistes mandatés par le ministère public, ou bien de personnes habilitées à le faire indirectement, comme des associations de la société civile. Lutte autour donc des administrations et de la prise en charge des rituels funéraires, où très souvent interfère sans cesse l'autre scène traumatique, celle du passé, mais ce passé justement qui ne passe pas, et la scène politique actuelle, sans exclure toutes les luttes qui peuvent se greffer, comme en témoigne d'ailleurs l'évolution des luttes des maires, des places de maires, à peu près partout dans le monde depuis les années 90. Donc l'évolution des revendications, revendications au départ, et souvent qui le reste d'ailleurs, de justice menée contre l'impunité des responsables, mais des revendications qui souvent donc donnent des plateformes à des revendications beaucoup plus larges, par exemple d'inclusion dans la communauté politique ou de revendications de droits qui n'ont plus de rapport direct avec la question des disparus. Donc toute une sorte de politisation, évidemment hautement conflictuelle, du travail de deuil ou de son impossibilisation, disons, politique. Si on revient maintenant au passage de Derrida que j'ai cité tout à l'heure, on voit que Derrida accentue ou rendrait possible une accentuation un petit peu spécifique, disons, spéciale des problèmes. On pourrait dire, en lisant le texte de Derrida, bon, évidemment on ne peut pas négliger les formulations très spéculatives, et je crois que toutes ces questions des disparus qui résonnent dans son texte, on pourrait dire donc que si l'espace ainsi investi par cette politique que Achille Mbembe a requalifiée comme un nécropouvoir, une nécropolitique plutôt qu'une biopolitique, dans quoi Mbembe a proposé de voir une dimension basale et permanente de l'histoire coloniale et sans doute postcoloniale. Donc si l'espace ainsi investi par cette politique n'est autre que l'espace du deuil, on pourrait considérer que, quelle que soit la brutalité avec laquelle cette nécropolitique déploie ses technologies d'asservissement et de déshumanisation, elle exploite toujours des apories que recèle déjà en lui-même le travail du deuil. Autrement dit, jamais une forme de pouvoir ne pourrait investir ainsi son espace, l'espace du travail du deuil, et en impossibiliser le jeu, si le travail du deuil ne recelait déjà en lui-même des impossibilités qui lui sont internes et qui déjà l'exposent du dedans, pour ainsi dire, à son instrumentalisation, sa manipulation ou sa destruction dans un champ d'extériorité historico-politique. C'est sans doute par ce prisme que pourrait être reprise la déconstruction derridienne du concept freudien de Trauerarbeit, de même que la méditation derridienne sans cesse relancée sur la distinction qu'avaient forgée Nicolas Abraham et Maria Torok entre introjection et incorporation, qui avait conduit, méditation qui avait conduit Derrida à souligner l'impossibilité de fixer un partage univoque entre ces deux concepts, entre les deux processus qu'il vise à penser, impossibilité qui serait à la source, selon Derrida, de toute une série d'apories constitutive du deuil lui-même, constitutive des manières d'en faire le travail, c'est-à-dire à la fois des manières de s'y soustraire, de le refuser, et faisant ou pouvant faire à l'inverse de l'échec du deuil une modalité paradoxale de son impossible réussite. Alors, je vais revenir brièvement dans un instant sur l'analyse de Derrida, mais j'aimerais auparavant, pour ne pas complètement m'égarer, et puis également pour ne pas essayer d'avancer le plus rapidement possible la longueur du topo que j'avais préparé, donc, j'aimerais simplement dire dès maintenant les quelques points de la trajectoire que je voudrais suivre après avoir redit un mot de Derrida que j'ai fait en quelque sorte qu'introduire ici. Alors, d'abord, je vais commencer effectivement par redisposer quelques formulations topiques de la déconstruction derridienne, disons, de l'idée de travail du deuil, telle qu'elle a été formulée par Freud, mais également retravaillée par l'école hongroise de psychanalyse, avec laquelle Derrida a des affinités personnelles, et qu'il fait également un interlocuteur théorique, de premier plan. J'aimerais essayer de montrer surtout à travers ces formulations que je me contenterai de vous répéter en quelque sorte. Bon. J'aimerais simplement attirer l'attention sur une sorte de paradoxe, sur une sorte de en tout cas, ce qui est pour moi une gêne, un point de butée, disons, dans l'analyse de Derrida. Bon. Je dirais qu'elle se focalise, les formulations de Derrida, sur une sorte de mise en cause, de mise en crise d'un point nodal de l'anthropologie psychanalytique. Ce que touche la réflexion de Derrida sur le travail du deuil, c'est fondamentalement, je dirais, la constitution narcissique du sujet, dont Derrida essaie de montrer que, justement, cette constitution n'a rien de fondamental, ou autrement dit encore, que la structuration narcissique du moi fait toujours fond sur une blessure ou un travail du deuil plus originaire, en quelque sorte, comme le travail d'une perte qui a toujours déjà commencé et qui conditionne la possibilité même d'un moi et la possibilité même d'un investissement libidinal d'objet. Suivant l'idée assez frappante chez Derrida, à partir de laquelle il peut y avoir un amour d'objet à partir du moment où le travail du deuil de cet objet a déjà commencé. Comme si le travail du deuil rendait possible les investissements libidinaux. Et en même temps, et voilà le paradoxe, encore une fois la gêne dont je voudrais vous faire part, quitte à ce qu'on en discute après, il me semble que toute la réflexion de Derrida autour du travail du deuil fonctionne effectivement, essaie de faire travailler à rebours l'idée du narcissisme originaire chez Freud et de déstabiliser cette idée du narcissisme primaire, qu'en restant en quelque sorte lui-même pris dans cette idée de narcissisme primaire. Alors, je redisposerai ça aussi brièvement que possible, je serai sans doute très schématique. Bon, mais c'est pour en venir surtout au second point, et c'est celui peut-être qui intéressera le plus directement l'objet du séminaire. Disons que sur cette base, ce que je voudrais essayer de faire, c'est une petite mise en fiction, alors je dirais anti-narcissique, pour reprendre, parce qu'on forme d'hommage à la formule de Villeroy de Castro, dont les métaphysiques cannibales sont, paraît-il, le compte-rendu borgésien. J'aimerais donc procéder à une sorte de mise en fiction anti-narcissique de la conception, de la déconstruction derridienne de la notion de travail du deuil. Le fait est que, encore une fois, cette approche derridienne, approfondissant les apories internes du travail du deuil, pour mieux penser leurs effets externes, dans un champ historico-politique, laisse tout à fait indéterminée la question de l'universalité et de ce travail du deuil et de ces soi-disant apories internes. Par là, je ne veux pas simplement suggérer que cette décontextualisation de la conception du deuil dont parle Derrida, qui fait effectivement abstraction de tout univers sémiotique, sociologique ou cosmologique de référence, devrait appeler un soupçon de modestie relativiste et un peu de sens culturaliste pour rectifier, disons, la généralité métapsychologique ou spéculative par une ethnographie comparative des pratiques de deuil. Bien que ça serait déjà pas mal de procéder à cette ethnographie comparative. Ça permettrait sans doute de nous instruire déjà différentiellement sur les présupposés et tout le jeu de catégorisation ontologique, anthropologique, théologique, je crois profondément, j'y reviendrai tout à l'heure, de notre pensée du deuil et de la pensée endeuillée telle que nous la vivons, de la façon évidemment la plus indécidable et la plus immaîtrisable pour nous. Mais le problème accusé, à mon sens, par les analyses récentes menée sur les mécanismes de la domination coloniale et postcoloniale, oblige plutôt à poser le problème sur un plan directement politique, celui, encore une fois, de la nécropolitique dont parle Achille Mbembe. Lorsqu'on bouleverse les rapports que les vivants entretiennent à leur mort, ce qui a généralement pour effet d'assujettir d'autant plus puissamment les vivants eux-mêmes, lorsqu'ils sont réduits en quelque sorte à se traiter eux-mêmes comme déjà morts, lorsqu'on détruit donc ainsi les capacités du deuil, qui est ce travail de disjonction même entre la vie et la mort, le problème serait de savoir si l'on se contente, pour ainsi dire, d'exploiter les apories internes du deuil telles que nous permettent de les penser nos catégories intellectuelles, philosophiques, psychologiques ou métaphysiques, c'est dans cette direction-là que nous engagerait la réflexion de Derrida, ou bien si l'on détruit plus profondément ce qu'on pourrait appeler des régimes de deuil qui sont justement irréductibles aux nôtres, et donc qui ne sont pas construits autour des mêmes apories. Alors, j'essaierai d'illustrer ce point par une double variation contrastive, en quelque sorte, de cette ontologisation des restes évoquée par Derrida. L'une, qui lui est certainement la plus radicalement extérieure, que j'emprunterai à un petit passage de l'Anthropologie mineure des métaphysiques cannibales, où Viveros et Castro revient sur les rapports en Amazonie entre les morts et les animaux. Ces deux figures de l'altérité, disons, par rapport aux humains, au sens réflexif pour les Indiens. L'autre de variation contrastive, étant peut-être beaucoup plus intérieure à l'ontologisation des restes qu'évoque Derrida, je dirais qu'elle est d'autant plus intérieure qu'elle en pervertit du dedans les présupposés ou en sape la logique dans son propre langage. Et j'en emprunterai la formulation à ce qu'on pourrait appeler cette fois-ci une théologie mineure, à savoir la démonologie de Pierre Klosowski, que je lirai donc comme un texte de contre-anthropologie, si vous voulez, en empruntant pour tout dire l'essentiel ici à la lecture qu'on a proposée de Leuze dans le petit texte qui consacre à Pierre Klosowski dans l'appendice à la logique du sens. Il est repris une série de textes pour l'essentiel de 1967, repris donc à la fin du livre de 69, Logique du sens. Donc je procéderai par ce jeu de. Par ces deux contrastes, en quelque sorte, qui sont évidemment entre eux contrapuntiques, en quelque sorte, bon, mais qui, je crois, permettent l'un et l'autre d'interroger l'intrication de la différence existentielle vie-mort à d'autres différences anthropologiques, celles du corps et de l'esprit, sans doute. C'est Robert Jolin qui, dans La mort Sarah, évoquait qu'il n'y a pas d'élaboration anthropologique de la différence entre la vie et la mort qui n'engage cette autre coupure anthropologique entre le corps et l'esprit, mais aussi la différence anthropologique de l'humanité et de l'animalité. Et ce que je voudrais suggérer par là, au moins à titre hypothétique, si vous voulez, c'est que ces deux cas de figure, précisément dans le double écart qu'ils permettent de poser par rapport à la pensée de Derrida, permettraient peut-être d'approcher une manière de faire intervenir un certain programme post-structuraliste en anthropologie au point de jonction, toujours assez instable à manier en réalité, je crois, théoriquement, entre la pensée politique d'une part et l'anthropologie psychanalytique d'autre part. Mon problème étant justement de comprendre comment ce programme post-structuraliste peut ou pourrait à la fois modifier la pensée politique, modifier l'anthropologie psychanalytique et modifier les enjeux de leur dialogue même. Alors, voilà, j'essaye maintenant, je reviens rapidement au texte de Derrida, mais je vais encore une fois aller très vite, quitte à être, bon, pardonnez-moi d'être très allusif, mais je pense que c'est le second point, bonjour, c'est le second point qui est le plus utile peut-être de susciter vos interrogations ou la discussion tout à l'heure. Je repars donc directement et très rapidement du mobile qui conduit Derrida à reproblématiser la distinction, une distinction qui elle-même fait jouer d'ailleurs la sémantisation différentielle, disons, du corps et de l'esprit, la distinction donc posée par Abraham et Torok entre les processus dits d'introjection, le processus d'introjection, pardon, et le fantasme d'incorporation, ce dernier signant, selon Abraham et Torok, à la fois l'échec et la nostalgie du premier. Suivant une formule de Derrida dans son petit texte « Fob ». Ce mobile, ou ce travail de déconstruction justement de cette distinction, Derrida n'a pas cessé de montrer que cette distinction est à la fois nécessaire et en même temps hautement instable, et en réalité ne peut jamais être complètement fixée de part et d'autre d'une frontière imperméable, en quelque sorte. Ce mobile déconstructif, donc, va revenir également dans deux textes, celui dont je citais un extrait tout à l'heure, Le spectre de Marx, et également dans le très beau livre Mémoire pour Paul de Man, où ce mobile se réécrit en quelque sorte spéculativement dans le langage de la relève dialectique. Voilà les formules que Derrida donne dans ce dernier livre. Il explique en substance que le processus de l'introjection correspond au travail d'une mémoire symbolisante. Effectivement à l'œuvre dans le travail du deuil tel qu'on peut le penser depuis Freud, mémoire symbolisante, c'est-à-dire une mémoire qui a à charge de s'approprier l'autre, d'en incorporer la présence ou la voix, ce processus de l'introjection s'apparentant de ce point de vue à une sorte de dialectique mémorielle, celle que Hegel nomme l'érinérum, terme qui, commente Derrida, dans la chance d'un seul idiome, peut signifier à la fois la mémoire et l'intériorisation. Cette mémoire, donc, est le travail même d'idéalisation de l'altérité, c'est-à-dire de négation et d'intériorisation qui devrait résorber tendanciellement l'autre en moi et par moi, ce qui serait au cœur du travail du deuil. Mais cette mémoire nomme dès lors aussi, remarque Derrida, le double bind dans lequel se trouve pris tout travail du deuil comme appropriation introjective de l'autre à travers sa perte. Je cite Derrida, « Je dois et je ne dois pas prendre l'autre en moi. Le deuil est une fidélité infidèle s'il réussit à intérioriser l'autre idéalement en moi, c'est-à-dire à ne pas respecter son extériorité infinie. » Je reviendrai sur cette formule dans un instant. Pour le dire encore autrement, je cite encore Derrida, « Le deuil fidèle de l'autre doit échouer à réussir. Échouer justement s'il réussissait, échouer pour cause de réussite. » Je pense que veut dire Derrida, un travail d'introjection, d'intériorisation symbolisante de l'autre perdu, si cette introjection parvenait à fond, supprimerait purement et simplement l'autre, et donc supprimerait le deuil lui-même. Il n'y a pas en ce sens d'introjection réussie, et il ne peut pas y avoir davantage d'incorporation pure et simple. Ce que Abraham et Dorov ont identifié comme fantasme d'incorporation, signant selon eux l'échec du travail d'introjection symbolisante et idéalisante, et donnant son point d'ancrage à la construction cryptique, la construction d'une crypte interne au sujet dont les méditations d'Héridienne sur le fantôme et le spectre ne cesseront de déployer les virtualités spéculatives, doit d'une manière ou d'une autre rester pris dans le jeu du processus d'introjection lui-même pour qu'il y ait un deuil, c'est-à-dire pour que l'autre soit maintenu en tant qu'autre ou comme autre, dit Derrida. Ce sont des formules que je cite, en tant qu'autre. Bref, Derrida essaie de mettre en place ici une sorte de tension interne à une structure qui serait la structure même du deuil et qu'il appelle la structure de la garde. Structure d'une mémoire qui doit maintenir l'altérité de ce qu'elle garde, donc d'une manière ou d'une autre, le tenir à distance, plus le tenir à distance en nous. En tenant à distance cette altérité du travail de la mémoire idéalisante, c'est-à-dire en tenant à distance cette tendance à réduire l'autre au même et à préserver donc l'autre de la dynamique de réparation narcissique, intériorisante et identifiante, qu'est aussi le travail du deuil. Derrida met en place ici toute une série de boucles aporétiques en quelque sorte. Toutes ces boucles ne sont pas sans présupposer, et c'est le point que je veux marquer simplement pour clore ces quelques formules de Derrida. Elles ne sont pas sans présupposer. On pourrait dire, ce qui est frappant dans les textes de Derrida lorsqu'il parle de deuil, c'est que, disons, le trait caractéristique de cette structure de garde, de toutes les apories qu'elle enveloppe, donc ce deuil qui ne peut fonctionner qu'à la condition de rater, qui, s'il est parfaitement réussi, en quelque sorte, ne peut s'abolir et échouer donc par un autre tour, bon. Le trait caractéristique donc, de cette structure avec tous ces jeux de redoublement assez vertigineux, il faut bien reconnaître, de l'impossible possibilité du deuil, bon, réside dans le fait d'une sorte d'hyperbolisation ou d'une sorte d'infinitisation de la figure de l'autre, c'est-à-dire concrètement ici du mort. Suivant une inspiration lévinassienne, la seule manière que Derrida envisage pour désaturer en quelque sorte le travail du deuil, c'est-à-dire finalement pour déconstruire l'idée normative d'un deuil réussi, on pourrait dire simplement pour déconstruire l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose comme un deuil réussi. Bref, la seule manière que Derrida envisage pour garder ouverte cette torsion de la possible impossibilité du deuil, il semble donc que la seule manière qu'envisage Derrida, c'est de porter cet autre, dont il faut faire le deuil, à une sorte d'extériorité infinie, comme il le dit, donc en poussant son altérité à l'absolu, en hyperbolisant cette altérité, jusqu'à la porter à une sorte d'excès sur toute dialectisation du même et de l'autre, de soi et de l'altérité. Si le deuil n'est tel qu'à être hyperbolique, comme la, je reprends ici une formule de Livio Boni, qui a analysé ce texte de Derrida en essayant de montrer leur affinité avec des problématiques développées justement sur le plan politique plus récemment par Judith Butler. Si le deuil ne travaille, en ce sens-là, qu'à la condition d'être hyperbolique, c'est d'abord parce qu'il suppose une hyperbolisation de l'altérité de l'autre. Ce qui donne, ce dit en passant, une tournure très théologique finalement de la réflexion de Derrida sur le deuil. On pourrait se demander si ce n'est pas là aussi ce qui produit le sentiment que Derrida, à force d'approfondir la fêlure que le deuil creuse dans la structure narcissique du sujet, déstabilisant du même coup les théories narcissistes du sujet, ne cesse d'en maintenir en réalité les droits, ou du moins de garder l'axe autour duquel s'organise sa propre déconstruction de l'idée d'un deuil réussi, comme si le décentrement auquel nous invite Derrida ne pouvait tout à fait faire oublier le centre qu'il contestait. Après tout, qu'est-ce qu'il faut supposer donné, ou qu'est-ce qu'il faut supposer acquis d'une inéluctabilité aussi intangible que l'être au deuil, comme le dit Derrida, pour pouvoir écrire comme il le fait que, je cite, « si la mort arrive à l'autre et nous arrive par l'autre, l'ami ne peut plus être qu'en nous, entre nous. En lui-même, par lui-même, de lui-même, il n'est plus rien, il ne vit qu'en nous », crie Derrida. D'où vient donc ce savoir? Ou d'où vient ce que Derrida appelle encore cette expérience inexpérimentable, par quoi, avant même la mort de l'autre, l'inscription en moi de sa mortalité me constitue? Quel savoir et quelle mortalité doivent être les nôtres pour nous faire cette sorte de cogito constitutivement mélancolique que Derrida énonce ainsi, « Je suis endeuillé, donc je suis. » « Je suis, continue, mort de la mort de l'autre, mon rapport à moi est d'abord endeuillé, d'un deuil d'ailleurs impossible. Bon. » Bref, par quelle transformation ou dans quelles conditions, sous quelles présupposés, en serait-on venu à accepter comme une évidence qu'à la mort de l'autre, nous sommes voués à la mémoire, comme l'écrit Derrida, et donc à l'intériorisation, puisque l'autre, en dehors de nous, n'est plus rien. Et là, évidemment, j'ai en tête toutes sortes d'exemples ethnographiques, évidemment, fonctionnent exactement à rebours de ce qui passe dans le texte de Derrida comme une évidence, pour en prendre un parmi d'autres, mais celui-là me tient particulièrement à cœur. Je me rappelle les minutieuses explications de David Kopenawa dans La Chute du Ciel sur le deuil de son clan Yanomami, chez les Yanomami. Deuil des Yanomami qui ne sont pas du tout obstinément voués, disons, à ce travail de la mémoire, qui ont l'air de se soucier en revanche au plus haut point de proscrire rigoureusement les noms des morts, de brûler tous leurs biens, de nettoyer les lieux qu'ils ont fréquentés, semblant s'inquiéter que puissent rester quelques traces, et c'est là qu'est le danger, c'est évidemment du retour permanent des morts, qui sont des instances prédatrices hautement dangereuses, comme si en quelque sorte les pratiques du deuil chez les Yanomami fonctionnaient exactement à rebours de l'anthologisation des restes par laquelle Derrida, dans Spectre de Marx, qualifiait notre régime du deuil. Il me semble qu'il y a au moins une chose que Derrida présuppose sans l'expliciter ou sans le thématiser pour lui-même. On pourrait dire que pour que la pensée d'Héridienne du deuil fonctionne, et je dirais volontiers que c'est notre pensée du deuil, et donc aussi la manière dont notre pensée est endeuillée, dont nous vivons cette expérience de pensée qu'est le deuil, il faut au moins présupposer une chose, à savoir que le mort, précisément, ne peut plus rien devenir. Le problème de la trace, du reste, qui constitue le fil conducteur en quelque sorte de la réflexion de Derrida, s'opposerait ici à cette toute autre problématique qui est la question de savoir comment la mort est un devenir. Quel est le type de devenir qu'est mourir. Ce qui est supposé exclu dans l'analyse de Derrida, ce qui paraît toujours déjà exclu de notre régime de deuil, de notre manière d'être endeuillé, et ce que forclôt le jeu même de l'hyperbolisation à laquelle sont soumises nos épreuves d'endeuillement, assujetties à l'alternative entre une altérité relative et une altérité absolue, c'est que l'autre, maintenant mort, puisse devenir encore autre. C'est ce qui voudrait dire justement la mort comme devenir. L'autre, maintenant mort, puisse être autre que l'autre qu'il était, qu'il puisse être autre autrement qu'il l'était pour nous. Autrement dit, ce qui paraît exclu de l'analyse de Derrida, ce n'est pas du tout une altérité absolutisée, infinitisée, exaucée à une extériorité infinie, ça serait plutôt une altérité devenant transfinie, c'est-à-dire une altérité qui est toujours finie, mais qui est chaque fois finie autrement, autrement dit, qui se déplace, qui se transfère, et qui mute en se transférant dans de nouvelles relations. Une altérité qui va s'altérant en se métamorphosant. Bon. Je dirais donc que, d'une certaine manière, ce qui est présupposé comme préalablement détruit pour que nous soyons effectivement enfermés dans les apories internes de notre régime du deuil, ce sont toutes les puissances de métamorphose, toutes les puissances de devenir des morts, les puissances d'altération de leur altérité, qui sont d'une manière ou d'une autre, qui doivent être d'une manière ou d'une autre barrées, empêchées, écrasées, jusqu'à être rendues impossibles. Et c'est seulement à cette condition-là que les vivants se retrouvent inévitablement enfermés dans le double bind du deuil, tel que le pense admirablement, ça je ne conteste pas, Derrida. C'est-à-dire les double bind entre introjection symbolisante ou incorporation cryptique, l'intériorisation symbolisante ou l'insistance du spectre, etc., etc. Alors c'est cette puissance de devenir du mort qui réclame là pour le coup un abord contre-anthropologique, disons. Et c'est là que le tournant antigéniste, disons, de la pensée politique, non moins que le tournant ontologique de l'anthropologie disciplinaire, me paraît particulièrement fécond. Fécond pour contester, donc encore une fois, l'anthropologie psychanalytique sous-jacente à l'élaboration de Derrida, la même où il s'emploie à la déconstruire, mais qu'il maintient, je crois, dans cette disposée de fond. Alors, j'avais lancé donc une double contre-fiction anthropologique. D'abord, ce passage de métaphysique cannibale qui me frappe à chaque fois que je le relis. Donc, qui est ce passage, vous vous souvenez sans doute, où Viveros de Castro s'approprie une distinction qu'avait avancée Stephen Hugh Jones entre deux types de chamanisme rencontrés en Amazonie. Un chamanisme horizontal et un chamanisme vertical, dont le contraste, rappelle Viveros de Castro, serait particulièrement accentué, par exemple, chez les Bororo du Brésil central ou chez les Tucano et les Arawak du Rio Negro. Les premiers, les chamans horizontaux, sont des spécialistes dont le pouvoir vient de l'inspiration et du charisme, dit Villerose, et dont l'action tournée vers l'extérieur du socius n'est pas exempte d'agressivité et d'ambiguïté morale. Leurs interlocuteurs par excellence sont les esprits animaux, peut-être la cause la plus fréquente des maladies en Amazonie, indigène. Les maladies étant fréquemment conçues comme des cas de vengeance cannibale de la part des animaux consommés. Au second, donc aux chamans verticaux, correspondraient en revanche, je cite à nouveau, les maîtres chanteurs et les spécialistes cérémoniels, les gardiens pacifiques de la connaissance ésotérique indispensable au bon déroulement des processus de reproduction des relations internes au groupe. La naissance, l'initiation, la nomination, les funérailles, etc. Cette distinction, évidemment, est déjà en elle-même d'une grande portée sémiopolitique, ou sémiotico-politique, si vous voulez, si on observe qu'elle s'insère très exactement au point de disjonction de ce que Deleuze et Guattari avaient, en quelque sorte, dans Mille Platons, auquel Villeneuve Gastrot fait ici très clairement allusion. Donc c'est la distinction que Deleuze et Guattari avaient présentée comme une disjonction entre deux sémiotiques politiques, ou plus exactement, deux sémiotiques théologico-politiques. Ce que Deleuze et Guattari avaient schématisé, disons, sous la figure de deux personnages anthropologiques et conceptuels à la fois, la figure du prophète d'un côté et la figure du prêtre. Vivre des Gastrot le formule de la façon suivante. Le chamanisme horizontal se caractérise par un éthos plutôt égalitaire et belliqueux et occupe une place importante dans les nombreux mouvements millénaristes qui se sont déroulés dans la région du nord-ouest amazonien à partir de la moitié du 19e siècle. Cela contraste avec le chaman vertical, présent uniquement dans les sociétés plus hiérarchisées et pacifiques, et qui se rapprocherait donc de la figure du prêtre. Je cite encore une fois Villeneuve et Gastrot. De cette manière-là, la distinction ne serait-on à faire entre deux types de spécialistes, le chaman stricto sensu, le chaman guerrier, et le chaman prêtre, mais plutôt entre deux trajectoires possibles de la fonction chamanique, la transformation, sa transformation sacerdotale et sa transformation prophétique. C'est intéressant, c'est dans un cadre où Villeneuve des Gastrot poursuit sa réflexion sur la catégorie de sacrifice. Dans le chapitre précédent, il a expliqué en quel sens la formalisation, disons, du sacrifice fixé par Mauss et Huber disconvenait au rituel, au cannibalisme rituel en Amazonie. Et puis ensuite, il engage la réflexion sur le contraste un peu sylvistrocien entre le paradigme totémique et le paradigme sacrificiel. Bon. On pourrait dire qu'à travers cette double transformation sacerdotale et prophétique, ce sont aussi deux figures du sacrifice sans doute qui divergent, qui se disjoignent. Bon. Le prophétisme serait ici le résultat d'un processus de réchauffement historique du chamanisme, dit Villeneuve et Gastrot, alors que l'émergence d'une fonction sacerdotale bien définie proviendrait de son refroidissement politique, c'est-à-dire de sa subsomption par le pouvoir social. Bon. Et alors, voilà en fait le passage, j'aurais pu y arriver plus rapidement, pardonnez-moi, mais en fait c'est là que Villeneuve et Gastrot ajoute cette remarque essentielle pour l'histoire d'une contre-anthropologie, disons, de notre régime, disons, occidental, en fait, très vite, du deuil. Une autre façon de formuler l'hypothèse serait de dire que la transformation sacerdotale, sa différenciation à partir de la fonction chamanique de base, est associée à un processus de constitution d'une intériorité sociale, c'est-à-dire à l'apparition de valeurs telles que l'ancestralité, qui exprime une continuité diachronique entre les vivants et les morts, et la hiérarchie politique, qui établit et consacre des discontinuités synchroniques entre les vivants. Donc, dans la profondeur temporelle, en quelque sorte, hein, constitution d'une intériorité, en fait, c'est une sorte de genèse structurale de l'idée même de société en tant qu'intériorité d'un collectif. Et qui, donc, apparaîtrait autour d'un double axe, on pourrait dire à la fois temporel et spatial, bon, disons la diachronique et synchronique, diachronique par une continuité des vivants et des morts, projetant comme figure de pouvoir la figure de l'ancêtre, et la discontinuité synchronique entre les vivants, dont la gestion constituerait le noyau du problème de la hiérarchie politique. En effet, ajoute Villeneuve et Gastrot, si l'autre archétypique auquel est confronté le chaman horizontal est thériomorphique, faire sa remarque sur le lien privilégié comme affin, la fin potentielle par excellence, c'est l'animal, l'esprit animal, l'autre du chamanisme vertical tend à assumer les traits anthropomorphiques de l'ancêtre. Et Villeneuve et Gastrot en déduit deux conséquences majeures. D'abord, cette conséquence que l'économie sémiotico-politique dominante dans un collectif intervient ici directement dans la sémiose, disons, du partage entre les vivants et les morts. Et seconde conséquence, cette sémiose de la différence existentielle est inséparable d'autres différences anthropologiques, tout particulièrement la différence corps-esprit, mais pour autant que cette dernière est elle-même inséparable de la différence humain-animaux. On le voit particulièrement nettement dans le cas du chamanisme horizontal qui s'insère dans une économie cosmologique, je cite à nouveau, où la différence entre humain vivant et humain mort est au moins aussi grande que la ressemblance entre humain mort et non-humain vivant. Ce qui, très concrètement, barre en fait, la possibilité d'émergence de l'ancêtre comme position de pouvoir. Ce qui permet de rendre compte, suivant une observation que Villegas de Castro emprunte à Conclin au sujet de l'eschatologie des Waris d'Amazonie occidentale, du fait qu'il n'y a pas d'animaux dans le monde des morts. Cette petite remarque, en passant, je vois absolument géniale, parce que c'est évidemment le point aveugle absolu dans le dispositif de la déconstruction d'Héridienne. La possibilité qu'il n'y ait pas d'humains, il n'y ait pas d'animaux, pardon, dans le monde des morts. Et Villegas de Castro le formule ainsi, il n'y en a pas parce que les morts sont eux-mêmes des animaux. Donc mort et animalité, en plus, deviennent deux positions exclusives l'une de l'autre. Ce sont les animaux eux-mêmes, les morts, seulement dans leur version gibier. Ils se transforment en cochons sauvages, la quintessence de la viande et donc de la vraie nourriture. D'autres morts, d'autres peuples deviendront jaguars, l'autre pôle de l'animalité, la version chasseur ou cannibale. Tout comme les animaux étaient humains au tout début, les humains seront des animaux à la fin de chaque homme. Au tout début, pardon, ça va de l'humanité, j'ai oublié un passage, les humains seront des animaux à la fin de chaque homme. L'eschatologie de la désindividuation rejoint la mythologie de la préspéciation. Les spectres des morts sont dans l'ordre de l'ontogénèse comme les animaux dans l'ordre de la phylogénèse. Au début, tous les animaux étaient des humains. Il n'est donc pas surprenant que, en tant qu'image définie par leur disjonction par rapport à un corps humain, les morts soient attirés par des corps animaux. Et c'est pour cela qu'en Amazonie, mourir, c'est se transformer en animal. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure la mort comme devenir, hein, ou un devenir mort qui est ici terminé comme devenir animal. Si les âmes des animaux sont conçues comme possédant une forme corporelle humaine primordiale, il est logique que les âmes des humains soient conçues comme pourvues d'un corps animal posthume, ou comme entrant dans un corps animal qui sera éventuellement tué et mangé par les vivants. Je récapitule, non seulement donc la différenciation vivant-mort est intégralement surdéterminée par une différenciation humain-animal, mais de surcroît, elle mobilise directement donc une différenciation esprit-corps spécifique, celle que Villegas de Castro, opérant sa double torsion, comme on dit, de la catégorie standard de l'animisme, appellera le non-perspectivisme. Les morts ne cessent jamais d'être partiellement animaux, car tout mort engendre un spectre, dans la mesure où il possède un corps. Et dans cette mesure, si quelqu'un peut naître aristocrate, personne ne peut mourir immédiatement ancêtre. Il n'y a pas de purs ancêtres, si ce n'est dans l'espace-temps du dedans, le plan précosmologique et précorporel du mythe. D'autre part, je cite une dernière fois, les plantes, les animaux, les plantes et autres catégories amazoniennes d'être ne cessent jamais complètement d'être humains. Leur transformation post-mythique en animaux, etc., contre-effectue une humanité originelle, fondement de l'accessibilité à la logopraxis chamanique dont jouissent leurs représentants actuels. Alors, je récapitulerai simplement là, c'est le dernier point enfin, qui retiendra que je voulais rappeler du texte de Villegas de Castro. Ce qui est présenté ici, en réalité, sous le motif de l'affinité qui sont des spectres et des animaux, ou de la façon dont, en quelque sorte, la spectrologie amazonienne est inséparable d'un devenir animal des morts, c'est évidemment l'inverse exact de la spectrologie, de la ontologie, comme dit Derrida, dans l'approche déconstructionniste. Ça apparaît très bien lorsque Villegas de Castro résume, sous une forme cette fois-ci, ou disons, imagine, extrapole sur la transformation ou sur le processus de transformation qui ferait basculer le chamanisme, la fonction chamanique, précisément dans cette fonction de prêtrise. Donc qu'est-ce qui engagerait la figure des métamorphoses, disons, chamaniques, dans la figure théologico-politique, disons, de la fonction sacerdotale. Et alors, il résume la chose de la façon suivante, et ça m'amènera, pour conclure, à la deuxième figure, je serai plus rapide, à la deuxième, au deuxième jeu de contraste que je voulais faire apparaître, à savoir chez Klosowski. Et alors, Vigor de Castro dit la chose suivante. Le chaman vertical, donc une fonction chamanique engagée, disons, vers la voie de la prêtrise d'État, trouverait à apparaître à partir du moment où s'opérerait précisément une séparation entre ces deux positions d'altérité que sont les morts et les animaux. Deux positions d'altérité par rapport aux humains. À partir d'un certain moment, écrit Louis de Rose et Castro, c'est vers la page 126-127 de Métaphysique animale, moment quand la détermination, je dois le dire, m'échappe complètement, les morts humains commencent à être vus plus comme des humains que comme des morts, ce qui offre par conséquent la possibilité symétrique d'une objectivation plus achevée des non-humains. En somme, la séparation entre humains et non-humains, la projection d'une figure générique animale comme autre de l'humanité, est fonction de la séparation préalable entre morts et animaux, associée à la survenue d'une figure générique de l'humanité objectivée sous la forme de l'ancêtre. C'est comme si Vigor de Castro expliquait que la nécropolitique, c'est-à-dire l'effraction, ce que disait, ou la déstabilisation, ou le bouleversement des rapports entre vivants et morts, est la condition en réalité de la bipolarité typiquement occidentale entre l'humain et l'animal, disons dans son jeu de contraste avec la métaphysique amazonienne. Le fait eschatologique de base, à savoir que les morts devenaient des animaux, était quelque chose qui simultanément humanisait les animaux et altérait les morts, avec au contraire le divorce entre morts et animaux, les premiers restent humains, ou deviennent même des surhumains, et les seconds commencent à cesser de l'être en dérivant vers une sous- ou une anti-humanité. Alors évidemment, la détermination de ce moment, de ce point de bascule, en quelque sorte, du chamanisme amazonien à une prêtrise d'État, ou à une fonction sacerdotale, m'échappe encore plus qu'à Vigor de Castro, mais ce que je voulais simplement remarquer, c'est que ce moment se superpose très exactement au régime du nécropouvoir colonial, au sens où Mbembe l'identifie, lorsqu'il souligne comment la domination coloniale construit son espace hors droit, comme une situation d'état d'exception normalisée et pérennisée, où peuvent se débrider des formes d'extermination de masse, préparées justement par une animalisation généralisée des colonisés, suivant des analyses de Fanon, déjà que Mbembe ici évidemment réécrit, en quelque sorte, et comment donc cette animalisation passe par une réification déterminée du corps du colonisé. On pourrait dire que Vigor de Castro signale l'envers de cette scène nécropolitique, du nécropouvoir colonial, en obligeant à nous demander comment on conçoit le corps, précisément, pour qu'il puisse être privilégié comme opérateur d'animalisation de personnes humaines, ou encore comment on sémiotise l'animalité elle-même, ou comment on code la coupure entre animalité et humanité pour faire de l'animalisation de certains humains le moyen de leur déshumanisation et pour faire de cette déshumanisation le moyen de les traiter comme déjà morts ou comme quasi morts. Et donc exterminables à merci sans que cela ne fasse plus aucune différence. Alors, juste quelques mots, parce que là je parle vraiment depuis trop longtemps, mais quelques mots sur l'autre petite variation, disons, ou fiction transformationnelle de l'ontologisation des restes de Derrida, notre manière de trouver une sorte de contrepoint contrastif, c'est, je disais, quelque chose qu'on pourrait trouver dans la théologie mineure ou la démonologie de Pierre Klosowski, en fait, principalement dans son œuvre romanesque, bien qu'elle ait un écho avec le travail de Klosowski sur Nietzsche, notamment dans son grand livre Nietzsche et le cercle vicieux. Simplement pour la contextualiser, je repars de la petite, de la petite parabole des Antilles, vous vous souvenez, déjà commentée, interprétée à deux reprises par Lévi-Strauss et que réinterprète à son tour Diderot Descartes à deux reprises dans Métaphysique cannibale. Et pour aller au plus court, cette petite parabole de Diderot Descartes rappelle comment elle permettrait de, par un jeu de contraste rhétorique, de repérer la façon dont la métaphysique occidentale distribue les polarités de l'âme et du corps. L'âme comme principe d'individuation, tandis que le corps fonctionnerait pour nous comme élément non spécifique, relevant d'une physicalité générique, tenu fait par exemple que les missionnaires ne doutent pas que les indigènes aient un corps et un corps fondamentalement identique au leur, mais se demandent s'ils ont une âme, et si oui, de quelle nature elle est. Là, au contraire, les Indiens n'ont absolument aucun doute sur le fait que ces étranges créatures toutes blanches aient une âme, puisque les animaux et les spectres en ont aussi. En revanche, le fait de savoir s'ils ont le même corps qu'un Indien pose problème. Alors, j'ajoute très simplement à cette petite parabole, et pour souligner la convergence de ce tableau avec ce qui, dans cette métaphysique occidentale, la marque de son empreinte théologique, disons, sans doute indélébile, que ce partage même entre âme et corps impose une tâche fondamentale qu'a énoncée la catéchèse et avec laquelle Klosowski n'arrête pas de jouer dans son œuvre romanesque, à savoir le problème de la bonne individuation du corps par l'âme. C'est-à-dire le problème de ce qui s'énonce dans la dogmatique chrétienne comme problème de l'intégrité du corps. Le corps bien organisé, à la fois unifié en lui-même et bien séparé des autres corps. Intégrité du corps qui est elle-même l'effet de l'âme ou l'expression de la bonne subjectivation de l'âme elle-même, de la bonne individuation de l'âme. Le problème très sérieux est évidemment celui de conjurer aussi bien la désintégration du corps que la dissolution de l'âme, et ce, dans la vie même du corps, aussi bien que dans le corps après la vie. Voilà le point fondamental de la catéchèse. Il touche au cœur de la doctrine chrétienne de la résurrection. La résurrection conçue non pas comme une abolition du corps, mais au contraire comme une transmutation ou comme un saut dans un corps spirituel et glorieux qui doit justement parachever l'intégrité corporelle. Alors, si on cherche une formulation à la fois directe et évidemment pour l'occurrence un peu relative de ce dispositif, c'est moins chez les grands métaphysiciens classiques qu'il faudrait se tourner que vers saint Augustin. Je pense notamment à toute l'idée augustinienne de l'entre-deux-morts, et plus encore donc vers cette théologie mineure qu'a développé Klosowski dans son roman Le Baphomet. Ce roman de théologie, comme disait Deleuze, où s'affrontent le système de Dieu et celui de l'Antéchrist. Vous allez voir que celui de l'Antéchrist ressemble à certaines affinités, justement, avec celui des Amérindiens, tels que Diderot et Descartes ont construit la figure. Les prémices en sont données dans Roberte ce soir, un autre roman de Klosowski, où le personnage Antoine, neveu docile à la théologie tentatrice de son oncle Octave, résume doctement. Je cite le personnage d'Antoine. Qu'est-ce que l'incommunicabilité? C'est le principe selon lequel l'être d'un individu ne saurait s'attribuer à plusieurs individus et qui constitue proprement la personne identique à elle-même. Deuxième question, quelle est la fonction privative de la personne? Réponse, celle de rendre notre substance inapte à être assumée par une nature soit inférieure, soit supérieure à la nôtre. Il ne faudrait pas que notre substance, si vous voulez, puisse être assumée par, je ne sais pas, un pécari ou par un être supérieur au nôtre. Alors, quel est le problème qui est impliqué, selon Klosowski, par la question de la résurrection? La résurrection vise à renforcer et à verrouiller ce que il appelle la fonction privative de la personne. Fonction privative de la personne, c'est-à-dire cette fonction de conjuration, de commutation de perspective, comme l'interprète de Descartes, ou encore la conjuration des devenirs transindividuels ou transspécifiques entre les êtres, les métempsychoses d'un côté et les métamorphoses de l'autre. en fixant l'une dans l'autre l'individuation de l'âme et l'intégrité du corps. En effet, je cite ici Deleuze, c'est en tant que lié à un corps incarné que l'esprit acquiert une personnalité. Séparé du corps, dans la mort, il retrouve sa puissance équivoque et multiple. Et c'est en tant que ramené à son corps que l'esprit acquiert l'immortalité, la résurrection des corps étant la condition de la survie de l'esprit. J'aurais écrit autrement la chose, la résurrection des corps, c'est le moyen de conjurer les aventures duplices et les avatars équivoques de l'esprit post-mortem, c'est-à-dire ses puissances de mélange, de contagion, d'affinité ou de métamorphose. Sans la résurrection, sans cette fonction privative de la résurrection, une résurrection qui doit être définitive, l'esprit libéré de son corps, déclinant son corps, révoquant son corps, cesserait d'exister, mais subsisterait dans son inquiétante puissance de duplicité, de métempsychose, de disjonction abusive, bref, d'équivocité généralisée. En ce sens, la résurrection est l'invention même du deuil, ou de notre régime du deuil. Je dirais la résurrection, le dogme de la résurrection, est la source du problème du deuil, tel qu'il se pose pour nous, non seulement théoriquement, mais subjectivement, psychiquement ou existentiellement, si vous voulez. Tout cela ne se posant que sur fond précisément de cette fonction privative de la résurrection. Le problème du deuil, c'est celui de la privation d'un être ou d'un objet d'amour, mais ce n'est pas cette privation qui impose le deuil comme problème, et a fortiori qui l'impose, comme le veut Derrida, comme insoluble. C'est une privation plus profonde que la résurrection opère sur les esprits en les privant de leur puissance de métamorphose, de mélange ou de réincorporation, comme dit Klosowski, dans des natures soit inférieures, soit supérieures à la nôtre. Alors voilà précisément que toutes ces puissances, je dirais c'est la version klosowskienne, si vous voulez, de l'idée de mort comme devenir, ces puissances que conjure dans le système théologique la fonction privative de la personne et de la résurrection, c'est cela même précisément que libère, dans la démonologie de Klosowski, le contre-ordre du Baphomet, qui donne son titre donc à l'autre roman que j'évoquais tout à l'heure. Cet ordre qui contre-effectue l'ordre de Dieu auquel il s'oppose, qui subsiste en lui et qui le ronge, écrit Deleuze. Et à propos de quoi Deleuze écrit la chose suivante, et je lis directement le texte pour gagner du temps. Ici commence donc le Baphomet. Au service de Dieu, le grand maître des Templiers a pour mission de trier les souffles, de les empêcher de se mélanger en attendant le jour de la résurrection. C'est donc déjà qu'il y a, chez les âmes mortes, une certaine intention rebelle, une intention de se soustraire au jugement de Dieu. Citation, les plus, du roman de Klosowski, les plus anciennes guettent les plus récentes et, se mêlant par affinité, le terme évidemment des résonances particulières dans le cadre amazonien de Viro de Castro, elles s'entendent à effacer les unes dans les autres chacune sa responsabilité propre, une sorte de déresponsabilisation généralisée. Hein, puisque ça brouille complètement le jeu de l'imputation d'une faute à un sujet. Voilà les dogmes de ce contre-ordre, hein, de cet ordre contre-théologique ou démonologique. Que le nombre des élus est clos, que les esprits se sont comme libérés de l'ordre de Dieu, qu'ils se sont dispensés de ressusciter et qu'ils s'apprêtent à pénétrer jusqu'à 6 ou 7 dans un seul corps d'embryon pour se décharger de leur personne et de leurs responsabilités. N'était-ce pas déjà la preuve que Dieu renonçait à son ordre, qu'il renonçait au mythe de la personne incommunicable et de la résurrection définitive, au thème, dit Deleuze, du « une fois pour toutes » impliqué dans tous ces mythes théologiques. En vérité, un ordre de la perversité a fait éclater l'ordre divin de l'intégrité, perversité dans le bas monde, où règne une nature orageuse, exubérante, pleine de viol, de stupre et de travestissement, puisque plusieurs âmes entrent dans le même corps, et qu'une même âme, en possède plusieurs, perversité en haut encore, puisque les souffles en eux-mêmes se mélangent déjà, Dieu ne peut plus garantir aucune identité. Bon. Alors j'arrête là sur le petit passage par la démonologie et plus officielle. Bon. Mais simplement faire résonner comme ça les échos avec l'analyse de Viro de Castro sur le devenir animal des morts, on va dire comme deux jeux de contraste hein, par rapport à ce que Derrida identifie, disons, comme notre régime de deuil. Et donc je conclue simplement, alors je ne sais pas comment faire fonctionner ça exactement sur le plan de la pensée politique, comme je l'annonçais au tout début. Bon. Ce qui est sûr, c'est que ça empêche de considérer simplement les techniques de pouvoir, de toutes ces techniques de destruction des rapports des vivants à leur mort, sur lesquelles beaucoup de gens réfléchissent, aussi bien dans le champ anthropologique que dans le champ de la pensée politique, dans le champ dit postcolonial. Ça empêche de concevoir, disons, ces techniques de pouvoir-là, hors du jeu, précisément, de destruction de certains régimes du deuil absolument étrangers aux nôtres. Et ce que je voulais faire apparaître, c'est une forme de critique un peu timide comme ça, ou en tout cas par ce jeu un peu ludique de déplacement, disons, des analyses de Derrida, c'est qu'il me semble que justement, Derrida est un très bon révélateur de la difficulté à sortir de notre régime du deuil et de tous les découpages sémiotiques, disons, qui impliquent notre manière de vivre le deuil. Encore une fois, c'est une expérience assez intéressante parce qu'elle est absolument indécidable sur le plan subjectif. Elle est absolument immaîtrisable, aussi bien d'ailleurs individuellement que collectivement. Et en même temps, elle doit pouvoir être d'une manière ou d'une autre maniée, comme une pratique, la pratique du deuil, à partir du moment où précisément le deuil passe sous condition, encore une fois, de la politique. Alors voilà où j'en suis pour l'instant. Et évidemment, si vous avez des suggestions ou des idées pour me permettre de prolonger mon petit délire, là, j'en serais ravi. Voilà. Bon. Alors j'ai parlé vraiment. Oui, c'est bien. Je peux arrêter maintenant. Merci. Merci. Bah, du coup, on a plein de choses à dire. Tu as fait beaucoup d'infos dans l'exposé. Enfin, je sais pas, moi j'ai plein de questions, mais je ne vais pas commencer à te traiter tout de suite. Bon, je lance et puis du coup, je m'arrête au fur et à mesure. J'ai une première question. J'ai une première question sur le pivot que tu fais dans ton passage 1-2. Et en fait, il m'a semblé que tu es arrivé là en disant bah, est-ce qu'on ne peut pas penser des régimes de deuil, ce que Derrida ne mentionne pas dans le texte auquel tu as fait référence. Mais il me semblait alors justement qu'il y avait toute une série de cas que lui évoque, il me semble, alors peut-être je ne sais plus du tout, qui sont ceux de Hegel, quand il dit, bon ben voilà, les Chinois, c'est ceux qui comprennent c'est ceux qui n'ont pas du tout compris l'affaire, parce qu'en momifiant en permanence leur deuil, ils ont des deuils, en momifiant leur mort, ils créent des deuils impossibles parce qu'ils se rendent les morts encore trop présents, et donc du coup c'est problématique. Donc il y a les Chinois d'un côté, et il me semble qu'à l'autre bout du spectre, il y a les Indiens, qui eux, alors brûlent immédiatement leur mort, alors ça c'est encore plus problématique, parce qu'il n'y a pas le temps d'introjection, ça permet pas le temps d'introjection, ça. Ah bon. Et que Hegel fait une sorte de grande typologie comme ça, en disant bah, « nous, on a de la chance, on est tombé là où il fallait, en enterrant les gens, c'était la bonne solution, etc. » Et du coup, donc là il me semblait que dans ce truc-là, on avait des régimes, enfin sociaux pour le coup, mais alors je ne me souviens plus du tout si c'est cité par qui, etc. Mais il me semblait qu'il y avait la critique de ça dans Aporie, en tant que Derrida, qui avait justement ça. Et c'est juste pour avoir un peu ton impression là-dessus. C'est pas qu'une une question précise, mais est-ce que dans ces régimes de deuil-là, on n'a pas déjà des typologies anthropologiques? Il y a un truc de... Bon, merci d'avoir dit. Je peux réagir comme ça. Bon, merci beaucoup. Ça m'en demande une première chose. Il faut que je continue absolument mes lectures et effectivement que je revienne à ces textes de Hegel que je n'avais plus du tout en tête. Donc c'est très bien. Du souvenir que j'ai d'Apoury, c'est et ce qui me semble traverser de façon pour le coup assez peu équivoque quoi, le texte de Derrida. Encore une fois, ce qui paraît enfin, sans cesse rejouer de texte en texte à partir de cette question du deuil. Et alors c'est pour ça que je retourne voir effectivement les textes de Hegel que tu mentionnes là pour voir comment ça se goupille chez lui. Mais c'est la question de la mémoire. C'est-à-dire le fait de nouer la problématique du deuil et donc le jeu de répartition, dispositif de différenciation des vivants et des morts, on sait que c'est l'opération même du rituel funéraire, c'est toujours d'une manière ou d'une autre une façon de différencier, soit on chasse les morts, soit on essaie de leur donner de la nourriture pour être sûr qu'ils vont bien faire le voyage. Là, il ne faut pas trop qu'ils soient dans cette proximité dangereuse. J'ai l'impression que chez Derrida, c'est toujours en quelque sorte surdéterminé par cette réflexion sur la mémoire, sur cette réflexion sur le temps. Alors c'est peut-être la manière dont Derrida fait jouer toute cette réflexion comme une sorte de contre-mythe, peut-être une façon de refuser en permanence ce régime de discours que serait le discours mythique, mais d'une certaine façon on ne cesse de le remettre en jeu. C'est pour ça que la figure de l'ancêtre ne paraît jamais bien éloignée de ces réflexions-là. De toute façon, c'est une question temporelle. Et ce qui m'avait frappé, alors j'aimerais voir comment chez Hegel, effectivement, ça se formule. Évidemment, le fait que... Alors, la question du rapport à la sépulture, qui est centrale aussi dans ce lettre de Marx, dans le passage que j'ai cité, bon, c'est évidemment la question de la tombe, de l'incinération, de l'inhumation, pardon. Chose de, là aussi de fondamental. C'est la question du momentum, trouver, mettre en tombeau. C'est justement toujours une œuvre de mémoire. La question du momentum, c'est inscrire l'altérité dans sa disparition, etc., dans une certaine temporalité qui est celle de la garde, etc. Donc c'est ça qu'il faut que j'aille voir comment Hegel et si effectivement Hegel aborde uniquement les choses sous cet angle-là. Il me semble que chez Derrida c'est le cas. Peut-être que je me trompe. Alors ce qui m'avait frappé chez Diderot et Castro, c'est que c'est pas du tout la façon de poser le problème du deuil, hein, ou du traitement du mort, ou la façon de performer la disjonction des vivants et des morts. C'est pour ça que m'avait frappé cette lecture, disons, de l'économie chamanique, disons, du deuil, à travers ce thème du devenir animal, des morts, etc., comme une espèce de machine de conjuration d'apparition de la figure de l'ancêtre, hein, c'est-à-dire l'inscription de l'économie interne, socius, etc. Mais je retiens, effectivement, il faut que j'aille revoir. Du coup, j'enchaîne aussi. Parce que. Enfin, en fait, on fait ta série de questions et puis après. Ah bon, pour moi. Oui. Faisons la série. Puis... Ouais, enfin, ça peut ouvrir sur d'autres trucs, hein, je sais pas. Ouais. Parce que, du coup, si y a un premier axe qui serait travail de mémoire, l'autre ce serait. Alors, je sais pas comment est-ce que. Enfin, ce que tu dis, trouver chez Diderot, ce. Alors, je sais pas comment il faudrait dire. Rapport à l'autre, enfin, un truc, je sais pas comment il faudrait. Il me semble en fait que habituellement, tu vois, quand on réagirait, alors je sais pas, même si on était même du sens, peut-être une remarque de sens commun, mais comment on réagirait à la question de la manière dont un système cosmologique tel que celui que Castro présente appréhende le régime de mort, on dirait, enfin, il me semble, justement en fait, ça se passe dans le sens inverse, c'est qu'habituellement on est triste de la mort de quelqu'un. Et pour conjurer cette mort ou pour essayer de la minimiser, eh ben on va imaginer qu'il est au paradis, etc., etc. Et c'est ça qui est second, en fait, logiquement, dans l'analyse, et qui fait qu'eux, ils croient encore qu'il y a les dieux mailles. Et du coup, comment est-ce que toi, tu répondrais à ça? Parce qu'on peut faire toute une série de critiques de ça, en disant, bon, ben, en fait, voilà, ça postule un moment pré-imaginaire, un peu. Il y a toute une série de critiques. Mais dans ton papier, j'ai pas entendu de passage là-dessus. Et qu'est-ce que tu répondrais à la critique, enfin, je sais pas, un peu classique, quoi, qui dirait, en fait, le fait de, pour nous, de pas avoir de cosmologie ou de croyance, ou je sais pas, quelques mots, ce qu'on mettrait là-dessus, très forte, fait que justement, on est passé dans un truc de deuil plus approfondi, au sens où on se rend compte de la réalité de la perte et qu'on n'essaie pas de la minimiser au profit d'abstraction. Oui, mais c'est toujours pareil avec ces questions-là, c'est qu'on présuppose forcément ce qui est en question, c'est-à-dire que ce que nous semble faire apparaître, mais aussi bien d'ailleurs l'analyse de Diderot et Castro que le roman de Klosowski, c'est intéressant de tenir justement les deux et les affinités entre les deux, l'un prétendant nous donner une sorte de point d'altérité extérieure, en quelque sorte, avec le système, métaphysique, si on peut dire comme ça, l'ontologie, etc. Et l'autre étant complètement interne, c'est-à-dire que Klosowski, il a fait le séminaire, enfin, il sait, quand il parle de théologie, il sait très bien qu'il n'en dit pas. Et il me semble que ces deux positions-là déstabilisent, c'est l'idée même de perte. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'objet de la perte reste de même nature que nous. C'est évidemment, ça pose des choses dans le sens inverse. L'idée que les morts restent des humains. Alors, par rapport à l'objection que tu fictionnes là, et oui, je conçois bien qu'elle arriverait assez rapidement, mais sans en même temps l'entendre, c'est bon, on peut psychologiser la chose. Et... D'un point de vue psychologique, c'est très troublant. C'est-à-dire, le fait, par exemple, que lorsque David Kopenawa, mais je me souviens que dans son ethnographie Descola fait la même chose, quand il aborde la question des rituels funéraires. Bon, c'est un truc qui est très souvent décrit, le fait qu'une fois que quelqu'un est mort, on efface toutes les traces. Donc c'est peut-être un renversement complet de la question du deuil tel que nous, évidemment, on se la pose, la question du reste, de la trace, etc. Et là, évidemment, aussi bien Freud que Derrida, tous sont tous d'accord pour concevoir. Et là, on dirait, mais effectivement, ce jeu d'effacement de la trace, pour nous, est le mécanisme même de la mélancolisation la plus brutale, la plus psychotisante, c'est-à-dire celle qui s'expose le plus vigoureusement, justement, au jeu de la spectrologie, de la réémergence du fantôme, etc. C'est-à-dire ce qui n'a pas bien été enterré revient du dehors. Mais alors moi, je ne sais pas comment on pourrait répondre à l'objection côté que là. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que bien sûr, il y a un travail du spectre, de la spectralité dans ce que décrit Villeroy et Castro, simplement qu'il n'est pas du tout indexé au jeu du reste, de la trace et de sa monumentalisation. Dans sa monumentalisation funéraire. Je rebondis là-dessus et après j'arrête et on verra. Est-ce que tu es obligé du coup de distinguer deux choses? Parce qu'il y a d'un côté le modèle dont toi tu parles, c'est-à-dire on change le calendrier en permanence, on efface les noms des gens, enfin on efface donc, la personne. Il y a d'un côté ça, et il y a de l'autre côté quand même le fait que, elle a beau être morte, on sait exactement, parce qu'on a la cosmologie pour, où est-ce qu'elle en est dans son espèce de voyage dans l'au-delà, par qui est-ce qu'elle va se faire bouffer en question, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Et là, qui ne fonctionne pas du tout, tu vois, comme effacement, mais qui fonctionne au contraire comme... ça rend d'autant plus, je sais pas comment ça pourrait dire, mais imagé, on sait exactement, quoi, elle n'est pas perdue, il n'y a pas que nos souvenirs de la personne non plus. On a son trajet, etc. Donc, est-ce que c'est pas deux trucs un peu différents? Moi, je pensais à ça, je pensais à la croyance cosmologique, et en fait, c'est vrai que tous les exemples que tu as mobilisés, c'est plus des exemples d'effacement de la présence sociale de la personne. Mais est-ce que c'est pas deux trucs différents? Non, je ne sais pas, je vois pas la différence que tu pointes. Moi, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. On ne verra rien de ça. Il faut que je réfléchisse. L'exemple que j'ai pris là, évidemment, visait à aborder différents problèmes à la fois. Donc, il faudrait sans doute démêler. Ce qui m'intéresse dans ces exemples-là, c'est le fait qu'on est dans les différentes coupures anthropologiques. Là, j'en ai évoqué trois, et les exemples que j'ai choisis me paraissent intéressants parce que justement, ils les nouent très étroitement. Le fait qu'on ne puisse pas penser la distinction de la vie et de la mort séparément de la question de la séparation corps-esprit et elle-même séparément de la distinction entre humain et animal. Ça me paraît intéressant, c'est ça que j'ai lancé. C'est là que le programme post-structuraliste vient faire bouger des choses à la fois dans la pensée politique autour de ces questions de nécropolitique et en même temps sur le terrain de l'anthropologie psychanalytique qui a nourri toutes ces réflexions là aussi bien chez Derrida que chez Judith Butler sur le plan de la pensée politique dans la question des pouvoirs du deuil. Ça, c'est le bon. Alors là, je suis embarrassé, c'est que dans la façon là dont tu poses la question, ça renvoie à une question. Sinon, ça formule les choses en termes d'imaginaire. ou en termes de... Ah, oui, bande de savoir. En faisant ça, je suis bien... Donc ce dont je me méfie, si tu veux, c'est de rabattre la chose, parce que c'est tentant, en disant, bon, évidemment, on a affaire à des collectifs qui ont justement des savoirs collectifs, qui sont aussi des savoirs de la mort, qui permettent d'encadrer, ritualiser, d'institutionnaliser la différence entre la vie et la mort. Alors que nous, nous serions dans dans une société ou dans un type de formation sociale historique où justement ce savoir se serait effondré, laïcisation de la mort, perte justement de toutes ces constructions symboliques qui supportent le travail du deuil. Ce qui est sans doute vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la façon dont dans les travaux, dans la réflexion théorique sur le travail du deuil, il y a du récit, il y a une cosmologie sous-jacente. Qui est vraiment une théologie en réalité. C'est-à-dire que les analyses freudiennes sur le deuil, les réflexions de Derrida sur les apories internes au travail du deuil, ces jeux d'auto-déconstruction du deuil, présupposent en fait une théorie de la résurrection. C'est-à-dire présupposent l'intégrité du corps après la mort. C'est ce qui fonde même toute la réflexion sur le spectre dans Spectre de Marx. Donc attends, tu peux reformuler ta distinction et puis après on se parle. Mais comment les deux aspects, enfin tu dis il faudrait distinguer deux aspects dans la réflexion. Ouais, moi il me semblait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu ambigu dans cette histoire, parce que d'une part, il y avait toute une série d'éléments mais que tu as rappelé, et c'est vrai que Descola a rappelé, Classe l'avait beaucoup plus développé déjà. Hein. Deux, on efface les morts, et ça c'est quand même quelque chose de particulier, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de... Voilà, on arrête tout de suite, etc. Donc il y a ça d'un côté, et il me semblait que le fait de faire une cosmologie, mais qui décrit vraiment ce que font les morts vraiment, et puis ben, là ils sont dans leur phase 2, et alors je ne connais pas le détail, mais, et bien ça, c'était pas du tout effacer les morts, mais c'était au contraire souligner son statut, tu vois, de fan. Non, si j'ai l'impression que s'il a insisté sur devenir autre, devenir animal, etc., c'est justement peut-être pas un fantôme. Ouais, enfin, Dieu, enfin, tu vois, ils se font bouffer par les dieux et devenir. Ouais, les dieux magiques, ouais. N'importe quel, je sais pas quelle terminologie on peut utiliser. Mais... Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, enfin, de mon point de vue, l'incapacité. Alors attends, deux choses. Je pense que ce que font les Yanomami ou les Arawaté, tu mentionnes les dieux cannibales, les dieux mayas, etc., bon, et qui a l'air d'échapper complètement à la problématique du deuil telle qu'elle est abordée en psychanalyse, par exemple. Bon. Ou alors qui est évoqué uniquement sur une sorte de supposée saine division du travail entre ce qui relève de la métapsychologie freudienne et ce qui relève près de l'anthropologie sociale, etc. Bon. Cette question du savoir des morts, disons, on est tous dedans, y compris nous. Quand on perd quelqu'un, en réalité, on ne cesse de faire voyager nos morts. Freud ne dit vraiment pas grand-chose de cette dimension-là. C'est-à-dire que Freud, en réalité, donne déjà une description mélancolique du deuil. Là, même au moment même où il veut faire la distinction entre les deux catégories, il pense le deuil déjà du point de vue unique du sujet endeuillé. Du sujet endeuillé. Mais ce que devient le mort, il n'y a pas une question psychologique. Et il me semble que Derrida minimise aussi cette question-là, voire même, dans sa façon de poser les problèmes de la trace, etc., écrase la possibilité d'envisager le devenir du mort. C'est juste ça qui me trouble. Bon, je sais pas. Je réponds à côté parce que je suis un peu fatigué, mais bon, faudra que tu me réexpliques. Postpone. Non, parce que je comprends pas. Moi, j'ai une question qui est vraiment. C'est une question pour moi que je suis pas un anthropologue. C'est en fait, c'est les deux choses qui sont quand il y a une visitation dans les rêves d'un set de quelqu'un qui est mort. Et le deuxième cas qui s'est dit, quand il y a des esprits dans l'Angola qui vont descendre dans les corps dans des rites de condamné, est-ce que c'est le cas des morts mal morts, des gens qui ne sont pas enterrés ou qui seraient du coup l'équivalent des fantômes? Est-ce qu'ils sont devenus. Oui, bien sûr, ouais. C'est... Enfin, tout, ça dépend du cas de figure, je ne sais pas à quoi tu penses. Concrètement, mais oui, bien sûr, ça rejoint la question de la mal mort. Oui. Ça, c'est oui. Mais c'est pas assez. Enfin, je réponds pas ça comme une façon catégorique, enfin, ou générale. Ça dépend évidemment du cas qui se présente. Mais tu vois, ce que tu dis, bah, non, me fait penser. Il y a une doctorante dont le nom, son nom échappe, enfin, qui est en postdoc maintenant, qui travaille sur l'Espagne et le Pérou. Qui travaille sur le retour des morts à la fois de la guerre d'Espagne, donc 3 ou 4 générations après, et au Pérou, c'est une analyse comparative sur les séquelles de la guerre civile enfin, qui a posé l'armée de santé lumineuse. Elle travaille sur le retour des morts dans les rêves. Donc c'est toute une anthropologie en fait, du rêve et la façon dont on négocie justement avec ces morts qui sont effectivement pris dans la malmort, c'est-à-dire qui sont des privés de sépulture, où les corps ont été martyrisés de façon presque pleine, de sorte en cassant tout le cadrage symbolique et rituel qui permettait de leur donner une destination. Alors, dans le Pérou, dans les communautés indiennes au Pérou, c'est tout le voyage de l'âme après la mort, qui doit traverser par le village des chiens, avec un chien et le lama. Il y a toute une série d'étapes comme ça, à travers laquelle sont refiltrés toute la catéchèse, l'histoire du purgatoire, etc. Il y a aussi des jeux évidemment de syncrétisme entre les traditions préhispaniques et la catéchisation. Mais oui, donc, les bons morts, c'est des morts qui sont engagés dans un devenir animal. En tout cas, qui sont engagés dans un devenir non humain. Oui, oui. Après, là, c'est peut-être c'est mes propres fantasmes là, qui débordent. Mais je repense à ça. Ça fait un effet d'après-coup avec la question que tu poses. Je poserai la question complètement à côté, donc je ne vais pas répondre à ta question, mais je me dirais finalement, tout le savoir. Que tu évoquais cosmologique, peut-être effectivement, qui sont des manières de faire jouer la trace, de faire jouer le reste, de le mettre en récit. Tout ça, en fait, devrait être confronté à la matérialité même du texte de Freud ou de Derrida. Parce que d'une certaine façon, les savoirs qu'on a sur le deuil, pour nous ici, se formule dans ce type de texte-là. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ces textes sont absolument pauvres en termes de devenir. C'est la seule chose que je voulais dire. C'est-à-dire que là aussi, enfin, peut-être une inspiration un peu. Une vigoureuse de Castro qui vient de Wilbichtrose des mythologiques, c'est de placer les textes. Les savoirs sur un pur plan d'immanence, un jeu de transformation contrastive comme ça les uns avec les autres. Je voulais revenir sur un terme, concept que vous avez employé par rapport à Augustin, Saint Augustin, l'entre-deux-morts. Oui. Dans quel texte c'est dans la, si je me souviens bien, c'est dans la Cité de Dieu. Ouais. C'est dans la Cité de Dieu. Et qu'est-ce qu'il pense à travers ce terme, concept? Alors, c'est le. Si je me souviens bien, parce que ça fait. J'ai pas eu le temps de revoir les textes avant de venir, mais c'est la façon dont Augustin décrit précisément la mort comme du temps. Comme du temps, c'est-à-dire quelque chose qui s'écoule entre la disparition ici-bas et la seconde mort, c'est-à-dire la mort qui nous fait passer dans le corps du Christ. D'accord. Et c'est cet entre-deux-là. Il faudrait retrouver là, les textes, encore une fois, je n'ai pas tout ça clairement en tête, mais il me semble que Blanchot, il fait allusion, lorsqu'il réfléchit sur le. Vous savez, c'est les textes assez, assez fameux là, sur la question du suicide chez... chez Rilke, où il travaille sur le thème du « on meurt ». Je ne meurs jamais, puisque dans le processus de mourir, le jeu se destitue lui-même comme sujet de l'événement, donc ça, l'événement purement corporel. Et alors, chez Augustin, on trouve déjà des formules très proches de ça, cette idée d'entre-deux de la mort. Et alors, je mentionnais ce cas-là parce que, dans mon souvenir, encore une fois, il faudrait revoir le texte précisément, mais... Mon souvenir, c'est typiquement un texte où l'idée de la résurrection vient modifier ou vient surdéterminer, encore une fois, la façon de comprendre la mort, notamment la persévération du corps, enfin le maintien de l'intégrité du corps après la mort. Bon. C'est-à-dire en termes vigorosiens ou amazonisés, bon, c'est-à-dire empêcher le mort de devenir autre chose. Mais la résurrection, c'est-à-dire ouais. La réincarnation. Ouais. Ah, c'est tout l'inverse. Voilà. Est-ce que la résurrection est quelque chose comme un corps qui persévère dans sa corporéité, ou est-ce que c'est pas plutôt une transfiguration? La résurrection, vous le pensez du côté du non-devenir absolu, les images théologico-mythologiques, c'est plutôt de l'ordre de la transfiguration. Il y a quelque chose de la grande métamorphose, c'est plus du tout le même corps, le corps du Christ et le corps. Vous pensez une continuité là où c'est la maxi discontinuité. Alors, c'est ce que je voulais dire en revenant sur ce qui me paraît être là aussi un des présupposés du deuil chez Derrida, à savoir que le problème du deuil se pose toujours dans une alternative entre un relativement autre ou un infiniment autre, un absolument autre. Et je pense que cette distinction-là est une distinction insuffisante. C'est-à-dire que la seule manière de sortir de l'idée d'une intégrité du corps maintenue par-delà la mort, etc., c'est d'hypostasier le corps dans un corps infiniment différent, à mon sens, on a fait un saut sur place. C'est-à-dire, on n'a pas fait bouger grand-chose. On est juste entré dans la porie qui n'arrête pas de travailler Derrida. C'est un autre relatif à moi, celui dont je fais la perte, c'est nos morts, toujours qu'on pleure. Bon. Et en même temps, le travail du deuil lui-même ne peut fonctionner que si en même temps c'est un absolument autre, un infiniment autre, que je ne pourrais jamais réduire à ma propre structure narcissique par la symbolisation de sa perte, etc. Ça, on retrouve très bien ce que vous écrivez là, je crois. C'est une transfiguration, mais une transfiguration qui est sur un même axe. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est le corps. C'est le corps humain, ou c'est le corps de Christ, du Christ, comme communauté post-mortem ou eschatologique dans laquelle les croyants seront tous rassemblés le jour du jugement dernier. Mais le Christ a été fait homme, donc de toute façon, on reste pris de tout devenir dans l'humain, ce que j'ai appelé transfini, c'était un peu, pas terrible, hein, mais je cherchais quelque chose entre une altérité finie et une altérité infinie, voilà, qui me paraît vraiment la grande disjonction archéologique, en fait. Et il me semble qu'avec l'idée du devenir animal, c'est quelque chose qui glisse. Entre le fini et l'infini, il y a l'indéfini. Mais je voulais revenir sur ce concept d'entre-deux morts, parce qu'effectivement, ça me parle énormément de Derrida. Peut-être que vous le savez, dans sa biographie même, il est l'entre-deux morts. C'est-à-dire qu'il est né après, alors je ne sais plus si je confonds l'un ou l'autre, mais soit il est né après une fausse couche d'un bébé qui aurait dû naître, qui était presque à terme, et le bébé qui est né après lui est mort deux ans. Il a eu 2 ans d'existence et c'était un frère et il est mort également. C'est-à-dire qu'il est vraiment cet être entre deux morts au sein même de la famille. Et l'entre-deux est quelque chose qui est constant dans sa philosophie. C'est toute une pensée de la linéarité au sens turnerien, justement. Alors, ce que je voulais vous dire, en fait, au-delà de ces réflexions un peu cliniques sur Derrida, c'est quand vous prenez le régime de deuil et que finalement vous partez entièrement de la philosophie derridienne pour expliciter ce régime de deuil qui serait commun en Occident, à mon avis, vous faites une extrapolation de quelque chose qui est quand même très spécifique à Derrida, et si on veut quand même un peu élargir, on dira, il faudrait préciser, c'est le régime d'un deuil pathologique. C'est-à-dire que pour moi, sur un plan clinicien, je suis clinicien, je suis docteur en anthropologie, mais je suis clinicien, pour moi, tout ce que décrit Derrida dans l'idée justement le poids de la trace, la hantise justement des fantômes ou des spectres, etc. On n'est pas dans du deuil, on est dans du deuil impossible, on est dans du deuil, je reprends le mot, indéfini, c'est-à-dire jamais fini. On est dans du deuil qui est la question du temps, justement. La définition même du deuil, c'est que c'est un passage. C'est que c'est une étape, c'est que c'est une stase, c'est pas une temporalité à soi. Or, Derrida confond le temps et le temps du deuil. C'est une seule et même chose. C'est-à-dire que tout le deuil a absorbé la temporalité pour lui. Et je trouve que c'est très intéressant, je ne dis pas, y compris d'ailleurs sur un plan clinique, pour comprendre ce que c'est que la dépression ou plus encore la mélancolie. Bon, mais ça n'empêche que ça ne décrit pas le régime de deuil en Occident. Et pour reprendre justement ce que vous disiez, très justement, je pense qu'il y a plein de façons finalement de faire son deuil en Occident. Et entre autres, il y a des personnes qui, pour reprendre votre exemple qui me parlait bien, effacent les traces justement, sans que ça soit de la pathologie. Ils effacent les traces assez paisiblement, voilà. Mais il existe bien, il y a bien par contre, il faudra faire toute une typologie, si vous voulez. Il existe bien des personnes qui sont prisonniers d'actes obsessionnels par rapport à la question de la mort-vivance et qui sont, comme Derrida a pu le philosopher, hanter en permanence et vivre dans un temps du deuil indéfini. Voilà. Donc c'est ça la critique, si vous voulez, que j'aurais. C'est lorsque vous prenez Derrida, qui pour moi rend explicite beaucoup de choses très intelligemment, hein, sur le plan de la dépression, de la mélancolie, d'un certain nombre de choses, ça n'empêche que ça ne recouvre pas pour moi le régime du deuil en Occident. Bon, on est... merci, bien sûr, vous avez raison, on est toujours obligé d'extrapoler, de tirer des... Bon, je ne veux pas me réfugier derrière cet argument facile, mais enfin, il faut quand même en tenir compte. On fabrique des contrastes. Donc évidemment, on schématise des jeux de position, et je suis le premier à reconnaître que... sur la question du caractère pathologique du deuil tel que le pense Derrida, en un sens, je suis d'accord avec vous. Mais Derrida répondrait lui-même que tout deuil est pathologique. C'est-à-dire que c'est la distinction même entre un deuil non pathologique et un deuil pathologique qui est en fait tout à fait instable, etc. Donc, je suis par ailleurs le premier à reconnaître que les trajectoires singulières du deuil, là où quelque chose se joue, la singularité du symptôme ou du sujet, évidemment, échappent ou complètement au cadre théorique qu'on se donne pour penser, mais je pense que Derrida, de ce point de vue-là, est un bon repère, non pas parce qu'il a une pensée très singulière du deuil, mais au contraire parce qu'il existe des présupposés qui sont partagés par beaucoup, y compris par ceux dont il se réclame ou qu'il discute. Et j'ai mentionné Freud et Abraham et Torok, ou disons l'école hongroise post-Ferenczi. Bon, mais j'ai fait allusion également pour l'après-Derrida, disons, au travail de Butler, bon, qui me semble, là, il faudrait montrer en détail, bien sûr, mais nous avons partagé des présupposés communs à cette question-là. Mon problème n'est pas d'identifier un régime occidental du deuil. Je pense que ce n'est pas très intéressant, soi. Mais d'essayer de fictionner des contrastes là où on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on détruit exactement dans un peuple, qu'est-ce qu'on détruit lorsqu'on vient briser justement tous les rituels et tous les univers de référence dans lesquels on négocie la différence des vivants et des morts. Alors, on leur attribue des lieux différents, on organise des trajectoires, des topographies d'obstacles ou d'événements, ou de péripéties entre les lieux des vivants et les lieux des morts. Qu'est-ce qu'on détruit exactement quand on détruit ça? C'est ça la question politique, ou ce que j'appelais la nécropolitique, en référence à Deleuze. Et pour réfléchir à cette question-là, je pense qu'il faut faire apparaître des contrastes. Je pense qu'il faut faire apparaître des contrastes. Et évidemment, ils ont toujours les défauts d'être faussement homogénéisants. Et ils seront homogénéisants non seulement parce qu'ils seront trop simplificateurs sur le plan anthropologique, l'Occident, c'est la diversité, etc. Mais ils seront insuffisants, surtout du point de vue clinique, c'est-à-dire du point de vue de la singularité du travail du symptôme chez tel ou tel sujet, ça c'est clair, bien sûr. Et je ne récuse pas cette idée de contraire, je trouve qu'elle est très intéressante et je laisse la parole ensuite. Je pense qu'il faut construire des contrastes au sein même de la grande sphère imaginaire, d'ailleurs, qu'est l'Occident. C'est ce que j'ai essayé de faire ici avec Lossovski. Pour tout vous dire, je l'ai fait aussi, mais je n'ai pas eu le temps de vous en parler, avec un film de Strauss et Huguet, où il est question justement de devenir animal, de la nuit à la résistance. C'est un cas génial pour travailler là-dessus. On pourrait le faire aussi chez Kafka, où ça fonctionne très bien. Bien sûr, vous avez raison, c'est voilà, première étape. C'est juste une petite question, je crois que tu as déjà commencé à y répondre en fait dans ta réponse précédente. C'est sur la question du mort comme devenir. Donc j'ai bien compris cette idée de devenir non humain, autre chose. Mais reste encore cette question du traitement classique, en fait. C'est-à-dire le mort qui devient bien, qui reste en fait dans le socius, qui est repris en charge et qui se transforme quand même, on peut dire une transformation. Où on ne serait plus dans le cas du deuil individuel, mais du coup, la prise en charge d'un deuil collectif, un peu comme Benjamin peut le penser dans les thèses sur l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces figures d'ancêtres qui sont réinvesties, mais d'un point de vue collectif, puisque c'est souvent, comme tu disais, des mâles morts, où il y a une figure comme ça qui est oubliée, et du coup, on essaie de la réinvestir pour des luttes au présent, et quelque part, le mort, il se transforme là aussi, c'est-à-dire qu'il est réinvesti différemment. Je dis ça parce que ça me faisait penser à une pièce de Gatti, qui s'appelle la tribu des Carcanos, où justement c'est tout part de la mort d'un militant espagnol lors de la guerre civile, et qui va ensuite se retrouver qui se retrouve dans différents autres corps, dans différents autres conflits, des militants ou pas, des fois ils se retrouvent à la place d'un policier, dans un autre contexte, et du coup on suit en fait ce mort qui se retrouve, qui se transforme en tout cas, alors qu'il reste bien dans un champ du socius, il ne devient pas animal ou autre. Mais il y a quand même, on pourrait dire que quelque part, il y a une tradition du deuil collectif cette fois, qui pense le devenir, même si effectivement c'est pas un devenir radicalement autre. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une figure entre les deux, ce trop peu de devenir, comme tu le disais avec Derrida, c'est soit il se transforme en pas grand-chose, quelques souvenirs, ou soit au contraire il est hyperbolique, et de l'autre côté, il y a le devenir radicalement autre qu'on va trouver chez d'autres. C'est génial, ouais, c'est très bien. Il faut que je lise la pièce de Gatti, c'est souvent le chaînon qui me manquait pour faire la connexion et la poésie. Je tournais comme ça, je délirais un peu tout seul. Je sais pas pourquoi, en réfléchissant à ces questions-là, je me disais, tiens, quel est le grand cinéaste justement de la mélancolie, ou de la perte. Je ne sais pas pourquoi, c'est Alain Resnais, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, mais c'est Alain Resnais, je me suis dit, finalement c'est chez ce cinéaste-là qui voudrait chercher quelque chose sur les... espèce d'intermédiaire entre ces deux figures extrêmes qui serait, disons, le deuil freudien et puis le deuil amazonien. Bon, et entre les deux, quelque chose. Et d'une certaine manière, ce que tu dis là sur la pièce de Gatti, enfin, je laisse de côté La guerre est finie de René, parce que c'est un politique. Mais penser à ces univers de René où la même instance réapparaît à différentes nappes de temps, en quelque sorte, et sous des figures à chaque fois différentes. Qui peuvent être humaines ou non humaines, qui peuvent être effectivement humaines à différents niveaux, mais reprises dans des intrigues complètement différentes. Ouais. Je vais regarder la pièce de Gatti, j'ai pas lu. Donc, ouais, c'est super. Très bien. Merci beaucoup. Si on a le temps pour une dernière question, moi j'ai une question un peu un peu idiote, mais en fait, ce que je me demandais quand tu disais par exemple. Que la mort est un devenir pour les Amazoniens, ou que nous verrouille la possibilité d'un devenir transindividuel, etc. Une des questions que je me pose, c'est quel est le statut de ces énoncés, en fait ? C'est-à-dire, quel est, enfin, pour qui ils résonnent, pour qui ils sont pertinents, et pour qui ils sont susceptibles de susciter des choses ? Parce qu'en fait, comme tu as abordé la question du tournant ontologique, etc., finalement, voilà, j'arrive pas trop à savoir si avec moi je suis très convaincue de ce que tu dis et je trouve que c'est ta démonstration elle est hyper efficace, mais en fait je me demande concrètement est-ce que ces énoncés nous permettent vraiment d'avoir accès à ce que c'est que faire un deuil pour les Amazoniens qui sont pas des chamans justement, qui ont pas un discours sur la cosmologie, pour les gens qui vivent le deuil sans avoir le moindre concept de psychanalyse. Et finalement, tu vois, quel est le lien entre ces concepts un peu cosmologiques qu'on a et qui nous permettent de penser les choses, et la pratique effective du deuil, et est-ce que avoir ces énoncés nous transforme le rapport qu'on a au deuil, transforme le type d'émotion qu'on a, ou est-ce que c'est complètement indifférent, ou est-ce que finalement, en fait, ces énoncés, ils sont pas à un niveau d'abstraction qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à cerner, et ça pourrait être un des défauts du tournant ontologique, on n'arrive pas à cerner quelles sont les pratiques effectives des gens et quels sont leurs rapports réels aux choses. Quoi. Je poserais la question en fait, dans ce sens inverse, mais en fait, ça dépend de la façon dont on interprète le dit tournant ontologique de l'anthropologie. Bon, en fait, j'ai tendance, mais peut-être parce que c'est comme ça que je m'y repère le mieux et que je trouve la chose la plus féconde, mais de le formuler effectivement dans le terme de Bureau des Castro de la contre-anthropologie. C'est-à-dire, je doute pas que le travail comparatif des anthropologues permettant de décrire les différentes pratiques de rituels funéraires, tous les espaces discursifs qui s'organisent autour des morts, de la séparation des vivants des morts, etc., produisent des effets épistémologiques de connaissances réelles. C'est pas du tout une question de pénétrer la subjectivité intime des gens, de savoir comment ils éprouvent réellement le deuil. À dire vrai, le deuil est une très bonne expérience de ce point de vue-là, parce que nous ne savons pas non plus comment nous l'éprouvons en réalité. Donc la crise du savoir, disons, ou l'incertitude du savoir de l'autre, elle justement, c'est une incertitude qui éclate dans le deuil, puisque c'est d'abord une crise du savoir, le deuil. C'est une expérience où la pensée est affectée par le fait de savoir et de ne pas savoir. Donc de ce point de vue-là, c'est le problème, tu veux, je ne passerai pas à ce niveau-là. En revanche, bon, c'est le sens aussi de ce que je voulais raconter là, mais il faut que je clarifie encore les formulations. Mais c'est comprendre comment ces ethnographies du deuil, de ce qu'on comprend dans cette catégorie pour nous de deuil, peut faire à la fois mettre au jour et déstabiliser les présupposés de notre expérience du deuil. Alors là où c'est très compliqué ensuite de le convertir, en quelque sorte, de le traduire sur un plan pratique, parce que j'ai pas dissimulé le fait qu'on voit tout ça avec des enjeux politiques, bon. Évidemment là c'est très compliqué. Très compliqué parce que qu'est-ce que ça veut dire ? En termes programmatiques, ça veut dire ah ben oui, il faudrait resémiotiser complètement notre rapport à la mort, le sens du partage entre la vie et la mort, et il faudrait faire que nos morts deviennent animaux. Bon. ça serait difficile à formuler comme ça. Il peut y avoir quelque chose d'aussi diabolique que, d'une certaine manière, la pensée d'Herrida, même si c'est dans le sens. Ça serait une utopie. Ça serait une sorte d'utopie dans la capacité qu'on peut avoir politiquement à transformer les coordonnées de notre expérience. Et encore une fois, ça paraît là d'autant plus troublant ou d'autant plus excessif que justement ça touche à l'expérience qui nous paraît la moins décidable, celle qui a le moins notre pouvoir. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à dire que tout ça rejoint quand même une réflexion sur la place de l'art dans la politique. Si on considère, c'est pas pour rien que j'ai évoqué l'œuvre romanesque de Klossowski, la pièce de Gatti, il y a un point nommé, j'ai évoqué une petite élucubration en cours sur Straub et Huillier ou sur René, il me dit que l'art a une fonction en politique qui est justement cette fonction d'expérimentation sémantique, de faire bouger, fût-ce à un degré infinitésimal, mais pour autant qui ça permet d'inscrire justement autrement les rapports justement entre corps et âme, entre humain et animalité, entre vie et mort, etc. Donc c'est des sortes de fictions en fait anthropologiques dans le champ de la politique, les œuvres d'art. C'est comme ça que je comprends leur fonction pour ce type de problème, pour ce type de problème. Après il y a une toute autre manière de prendre la question, mais ça on pourra en discuter peut-être une autre fois, mais c'est le... C'est ce que toutes ces réflexions sur le pouvoir, sur le deuil et sa place dans les espaces politiques, la façon dont tout ça a été rejoué et relancé par Butler. Disons, entre les travaux de Nicole Leroux sur la question de l'institution de la perte et du deuil, sur le plan d'une anthropologie historique, disons, ça passe évidemment son travail sur les tragiques, et sur les transformations de l'institution du deuil dans l'Athènes classique jusqu'aux travaux de Butler d'après le 11 septembre 2001. C'est-à-dire, c'est très difficile de penser la prise politique, la prise pratique, disons, sur les processus de deuil. Et donc, si on entend ta question de cette façon-là, c'est-à-dire de donner une description lors d'une anthropologie nous-mêmes, disons, savoir qu'est-ce qu'on éprouve exactement et qu'est-ce à quel type de phénomène on a affaire lorsqu'on est pris dans le processus du deuil. Très difficile à la fois de connaître ça et d'avoir une prise pratique là-dessus. Mais en revanche, on voit très bien comment la politique ne cesse d'instrumentaliser cette coupure des vivants et des morts et des processus du deuil. Tous les débats actuels sur les scènes de réconciliation, on est en train de commémorer les 20 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. La question se pose en permanence. Ça rejoint la question de la peine de mort. Tous les pays d'Amérique latine, la question se pose, avec des intensités variables. En Argentine, c'est pas la même chose qu'au Brésil, c'est pas la même chose qu'au Chili, mais on voit bien comment, et même le pouvoir d'État, enfin le plus massif, le plus molaire, instrumentalise en permanence la question du traitement différentiel des morts. Question de savoir comment on met en scène les grands rituels de réconciliation nationale, etc. Comment à travers ces grands rituels-là, on rejoue ou on essaie de reconstruire une continuité imaginaire du pouvoir de la période des dictatures à la période post-dictature. Donc tu vois, c'est ça pour moi qui est très déstabilisant, c'est ce déséquilibre entre, d'un côté on a affaire à un type d'expérience aussi bien pour du point de vue des autres lointains indigènes que pour nous, un objet d'expérience très difficile à la fois à penser et à manier. D'une certaine manière, c'est un travail clinique, enfin, c'est un peu psychanalytique, bien sûr, pour chercher une sorte de maniement des symptômes, ce qui ne veut pas dire la manipulation, mais du maniement. Mais c'est très difficile à envisager. Et de l'autre côté, on a affaire à cet aspect aussi massif d'instrumentalisation brutale, tu vois. De toutes ces scènes de deuil à l'échelle macro-politique, quoi, en permanence. Et donc voilà, c'est comment on remplit ce contraste-là, enfin, qu'est-ce qu'on fait entre les deux, voilà, parce qu'on ne va pas simplement voir le cul entre deux chaises et se dire, ah, oui, c'était ça et ça. Donc, comment on peut passer de l'un à l'autre, quoi. Bon. encore. Non, merci à vous. Je vous ai livré vraiment voilà, des réflexions très embryonnaires et très tâtonnantes. Donc, vraiment, ça m'aide beaucoup. Merci.